Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode numéro 8. Je procède au rappel traditionnel. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Nous vous invitons à soutenir financièrement Démocratie Participative par des dons exclusivement en crypto-monnaie. Trois sont possibles, Bitcoin, Ethereum et Monero. C'est le meilleur moyen pour vous de continuer à faire en sorte que nous soyons là. Beaucoup nous soutiennent, nous font des petits dons. Continuez, n'hésitez pas. Ça permet de voilà d'alimenter la machine. Je veux aussi vous inviter à partager le PDF hebdomadaire qui reprend tous nos articles pour les partager avec vos amis. Et si d'aventure, puisque vous le savez, nous devons régulièrement changer de nom de domaine, eh bien des amis à vous n'ont plus accès ou peuvent ne plus avoir accès, n'hésitez pas à leur rappeler que l'adresse a changé et qu'elle est désormais en .host. H-O-S-T, démocratie participative en un seul mot, .host, H-O-S-T, faites-le circuler, voilà, n'hésitez pas. Je vais maintenant présenter nos participants de la semaine. Je vais commencer avec Astérix qui nous fait le plaisir d'être là. Salut Asté. Salut Gandalf, salut à tous les auditeurs. MacDav aussi est avec nous, salut MacDav. Salut les amis. Pierrot nous fait le plaisir d'être avec nous, salut Pierrot. Salut Gandalf, salut tout le monde. Captain America est avec nous, salut Captain. Et bonjour les nègres, avant Guingamp. En avant Guingamp, Fulbert nous fait le plaisir d'être présent aussi. Bonjour à tous et bonjour Gandalf. Normalement, Porovitch sera là aussi avec nous au cours de cette émission. Et enfin, Derek nous fait le plaisir, comme d'habitude, d'être là. Ouais, salut Gandalf, salut tout le monde. Alors, je vous propose de commencer sans transition aucune avec notre première rubrique, courrier des lecteurs. Cette semaine, eh bien, c'est un étudiant qui nous écrit et je vous livre tout de suite sa participation. Il nous a envoyé en fait une vidéo que vous pouvez voir sur le site internet en rubrique médias. Hein, c'est son quotidien. À la cité universitaire dans laquelle il réside, un quotidien très exotique. Alors, voici le courrier qu'il nous adresse. Bonjour, amis démocrates participatifs. Tout d'abord, je tiens à vous signaler l'intérêt et l'amour que je porte à votre émission et à vos articles. Grâce à votre travail, je suis parvenu à faire sauter les derniers tabous idéologiques qui gardaient ma réflexion captive. Je vous remercie donc pour tout ce que vous faites. Vous trouverez, donc là ça c'est un petit détail vidéo, technique, pour les quelques éléments de contexte. Alors ça c'est ce qui accompagne en fait la vidéo, alors bon, c'est pas la peine de la citer là tout de suite, parce que bon, en substance, si vous voulez, vous voyez des nègres déambuler dans un couloir avec de la musique africaine, vous visualisez la chose, mais voici, il nous donne les explications. Pour les quelques éléments de contexte, je suis étudiant dans une ville de province, petite en taille mais grande par sa population étudiante. Étant un authentique prolétaire d'échelon 6, j'ai la chance de bénéficier d'une chambre dans un crous local. Les chambres font en gros 8 mètres carrés, mais elles sont peu chères. Proches du campus, elles permettent d'avoir accès à une cuisine d'étage et des sanitaires. Elles permettent surtout de vivre entourées d'étudiants comme dans une grande colocation où on serait entouré de plein d'amis. C'est en tout cas ce que je pensais. Il faut dire que mon père, étudiant dans la même université que moi 30 ans plus tôt et habitant dans la même cité universitaire que moi également, m'avait beaucoup survendu le truc. Oui, mon fils, tu verras, c'est super, tu vas vite te faire des amis, vous allez tout partager et en plus, malgré la rigolade, ça reste studieux. Note à moi-même, ne jamais faire confiance à son père qui vote Parti communiste depuis 30 ans, jamais plus. Effectivement, une cité universitaire en France en 2019, c'est pas du tout ce que les gens peuvent imaginer. On est très, très, très, très loin des dortoirs à l'American Pie, de la salle commune de Gryffondor dans Harry Potter, des objets soviétiques ou même des cités étudiantes du Reich. Non, définitivement, on est bien loin de tout ça, et ma vidéo en est la preuve. Pardonnez-moi pour la piètre qualité du film, bon voilà, mais j'étais en environnement hostile. Pour ceux qui ont du mal à distinguer les détails, les nègres de mon étage, comme leur habitude, squattaient le hall de la résidence avec leur musique à fond, leur drapeau du Bénin accroché à la fenêtre, le tout en jouant du baby-foot, en dansant collé serré et en faisant cuire leur bouffe sur des plaques chauffantes, tout ça dans le hall, voilà à quoi ressemble ma résidence. Bon, je préviens, le témoignage est assez long, mais il est cocasse, il grouille de détails, donc je m'en voudrais de vous en priver. Pour vous situer le truc, ma cité universitaire compte 7 bâtiments de 4 étages chacun, avec 25 chambres par étage. À mon étage, seules 24 chambres sont occupées. Je suis le seul français. Nous sommes 4 blancs, 2 espagnols, 1 polonaise et moi. Tout le reste, du marocain, du béninois, de l'algérien, du congolais, de l'ivoirien. Ce n'est pas que je suis tombé au mauvais étage. C'est comme ça à tous les étages de tous les bâtiments, littéralement. Je pourrais vous raconter 1000 anecdotes sur ma vie dans cette cité universitaire, mais ça prendrait plusieurs pages. Donc, je vous fais une petite sélection non exhaustive des trucs les plus récents. Hier soir, une grosse Congolaise qui habite la chambre juste en dessous du mien se faisait troncher par son mec, la fenêtre ouverte. Ça arrive très régulièrement, et inutile de vous préciser que ces peuplades-là sont assez bruyantes. Quand ce n'est pas leur appétit sexuel que l'on entend à travers les murs, ce sont les cris de toute la smala et des gosses, puisque les nègres vivent à 5 ou 6 dans une chambre de 8 mètres carrés. Pour vous donner un ordre d'idée, 8 mètres carrés, meublés, ça laisse pas de place pour faire des pompes, je suis obligé de les faire sur mon lit, mais les nègres vivent à plusieurs là-dedans, à nos frais. Lundi dernier, l'alarme incendie du bâtiment se déclenche. C'est très chiant, surtout quand ça arrive plusieurs fois dans la semaine. Et oui, les nègres sont incapables de cuisiner, donc ils font tout cramer. Le fond de leur poil crame, ce qui déclenche les détecteurs. Alors, avant que je poursuive, là, sur le petit panorama que je viens de vous livrer, est-ce que vous avez des choses à dire? Les nègres qui copulent, là, je trouve ça assez... C'est la cité universitaire ou la cité tout court qui me décrit? Ils vivent en famille de... Enfin, famille... Apparemment. C'est des familles en groupe... En matrice démoniaque de nègres... tous à l'intérieur d'une même du même chambre de 8 mètres carrés, c'est ça? Apparemment. Ah, mais dis donc. Ouais. Il y a peut-être un système de faux papiers là-dessous. On ne sait pas. Hein, je veux dire, je serais pas étonné. Mais apparemment. Je regrette de moins en moins de pas avoir fait d'études, moi. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. Alors une autre, il continue, hein. Le mois dernier, le Marocain de la chambre juste en face de la mienne fumait en agitant ses mains pour éviter de déclencher le détecteur. Pas de bol, Einstein, la technologie blanche fonctionne mieux que tes événements de bédouin. Du coup, rebelote, c'est reparti pour l'alarme, l'évacuation, etc. Le pire, c'est que ce sale crouille, pendant qu'on sortait par l'escalier de secours, me fait « Putain, c'est moi, j'ai pas fait exprès !» Et là, il me raconte son histoire en rigolant, en pensant que ça va me faire rire. Effectivement, le bougnoule, hein. N'hésitez pas à vouloir, si vous voulez commenter, hein, n'hésitez pas. J'enchaîne. Alors là, ça a l'air un peu plus copieux. Il y a 2 semaines, j'attends mon bus dans la cité U. Je reconnais un Tunisien de mon étage. Il s'approche pour me parler, et comme je suis poli et que j'aime les animaux, je joue le jeu. Il me parle un peu de lui, et je finis par comprendre qu'il est doctorant en géographie sur le campus. Putain, oui, j'ai pioché le bon, le seul bico intelligent de la ville. Je reprends espoir, je n'aurais pas dû. Il se trouve que je fais des études de géo... Donc, pour entretenir la conversation, je pose 2-3 questions et je fais quelques private jokes, de géographe. Je lui parle de plusieurs trucs, de l'effet TGV ou de la métropolisation. Mais je vois qu'il tire une drôle de tronche, il n'a pas l'air de comprendre, et moi je ne comprends pas qu'il ne comprenne pas. Je suis en deuxième année, je lui parle de trucs niveau terminal L ou première année, et ce doctorant venu de la noble Tunisie, héritière de Carthage, ne comprend rien à ce que je lui ai dit, à ce que je lui raconte, malgré ses 9 années d'études. Effectivement, il y avait Anguille Souroche, le doctorat du sale crew ne vaut rien, il en était à sa 3e année d'études en fait, mais par équivalence, il venait d'arriver en France pour valider un doctorat. Donc en gros, ses 3 années de fac valent à peine notre bac à nous, mais elles lui permettent de venir polluer notre système universitaire, d'être payé pour passer son doctorat, le tout alors qu'il ne connaît pas la moindre notion basique de géographie. Cette expérience n'était pas un cas isolé, je suis tombé plusieurs fois sur des cas similaires d'étudiants étrangers dont les diplômes ne valaient rien. Intéressant ça comme témoignage. On en avait parlé dans un autre courrier des lecteurs, hein, où on avait plus ou moins... c'était Nantes, je crois. C'était Nantes, on nous expliquait qu'il y avait des espèces de bamboulas qui étaient en cours de chimie, qui étaient à deux doigts de foutre le feu au laboratoire et qui officiellement étaient quasiment des ingénieurs. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Ouais, comme quoi les profs sont même plus des profs, ce sont juste des agents du Parti communiste international, mais ils n'ont rien de prof parce que le prof, malgré tous ses défauts, sa prétention, sa superficialité, son goût du détail et tout ça, son ton souvent hautain, ben, professoral, quoi, tout simplement. Il a quand même une qualité, c'est que normalement il est assez méritocrate, quoi. Le prof, en tout cas pour ça, au moins pour sa matière, quoi. Il aime pas que des gamins n'écoutent pas sa matière. Donc là, les profs, en fait, ils n'en ont rien à branler d'avoir des bons à rien qui viennent polluer comment on appelle ça en fac, là, leurs amphis. Enfin, c'est complètement incroyable, quoi. La France, c'est le pays des merveilles, quoi. C'est vraiment, des merveilles. Il s'y passe n'importe quoi. Ouais, Alibaba, les 40 voleurs, quoi. Je t'arrête parce que les profs n'y sont pour rien. Enfin, tu peux les blâmer pour beaucoup de choses, mais le niveau des étudiants, y compris des bacheliers français, hein, la plupart s'en plaignent en fait. De la même façon que les profs de lycée se plaignent du niveau des ex-collégiens et que les profs de collège se plaignent du niveau des anciens CM2. Donc, bah, ça, y a pas un problème, c'est pas là. Vrai. Ah, je veux dire, ils se plaignent tous du niveau, mais en même temps, c'est un peu eux qui sont censés faire, garantir le niveau, non ? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, bah, ça c'est l'hypocrisie du corps enseignant. Je suis d'accord avec toi, hein. Je veux dire, ça je l'ai déjà entendu, comme tu l'as dit, quoi. Enfin, il y a un phénomène réel, hein, de transformation en fait des facultés à cause de la non-sélection, de la transformation des facultés en espèce de lycée plus. Hein, parce que il y a un truc qui est effrayant et qu'on voit, c'est le niveau catastrophique de l'orthographe moyen. Hein. Ça c'est catastrophique. Hein. Jadis. Le ça avec CCDA, le mec qui écrit avec un S, il serait, enfin je vous dis ça, il y a 10 ans, il serait passé pour un demeuré. Et ben aujourd'hui, le ça avec un S. Là, c'est le français moyen, quoi. C'est le français moyen. C'est effrayant. C'est effrayant. Il y a aussi quand même, c'est comme même. T'imagines, il y a des Français, ce ne sont pas seulement des bougnoules. Il y a des Français qui écrivent quand même. Ils l'écrivent comme même, incroyable. Et aussi le niveau de calcul mental. Vous verrez des caissières, vous verrez des vendeuses, plein de gens compter sur leurs doigts, même des pharmaciens, des gens inimaginable, quoi, qui ne sachent pas additionner, faire des additions des plus simples. Hein. Je vous parle de 7 plus 12, de trucs enfantins, quoi. Vous verrez, faites attention à ça, les gens comptent sur leurs doigts, quoi. Ah ouais, terrible, terrible, terrible, terrible, terrible, terrible. Terrible. Alors bon, comme on avait déjà parlé de ça, du phénomène en fait. Bon, en fait, là, ce qui nous décrit tout simplement, c'est la stratégie pensée par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Affaires étrangères et bien évidemment l'Élysée de pompe aspirante à nègres d'Afrique sous couvert d'études, d'échanges, de voilà. Et voilà, les cités U sont des villages africains. Avec des nègres demeurés, voilà, enfin c'est des espèces de garderies à nègres, avec tout ce qui va avec, donc vous avez vu là les anecdotes qui nous ont été données avant celle-là, mais c'est terrible, quoi. Alors, et ça c'est censé, et les mecs viennent vous dire après, hein, avec le plus grand sérieux, que bah, ces gens-là, ça va être l'élite, hein, de la France future, hein, c'est la France d'après, avec comment Sarkozy avait formulé la chose, Il avait parlé d'immigration positive, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, ah bah c'est voilà. Ça. Ouais, c'est positif. Hein. Positif. Alors, je continue. Le témoignage de cet étudiant. Autre anecdote, les étudiants peuvent organiser les ateliers ou des activités dans une salle de la cité. J'y suis allé deux fois, je n'y retournerai plus. Première fois, le ciné-club. Il diffuse deux films dans la même soirée. Harvey Milk, un film sur un politicien noir américain PD. Un politicien américain PD, pardonnez-moi. Et Land and Freedom, un film de Ken Loach sur la guerre d'Espagne. Deux films de gauchistes de merde. Nous étions une cinquantaine, quasiment que des blancs, quelques chinois aussi. À la fin du film de Ken Loach, trois paumés en kéfier ont chanté l'international légendaire. Seconde fois, atelier danse. Putain, là j'ai merdé les gars. Je sais pas pourquoi, j'avais dans l'idée que j'allais apprendre à faire quelques pas de danse sur la valse numéro 2 de Shostakovich. J'étais encore naïf. C'était le début de l'année, pardonnez-moi. Car effectivement, l'ambiance était très très très très loin de celle des salons viennois. Zouk, Kuduro, Afro-Trap, c'est simple, les nègres du Bénin, toujours les mêmes, et des négresses apprenaient aux blancs à danser. Ce spectacle était immonde, plein de jeunes blanches, qui se faisait frotter par des gros nègres en rigolant hilar avant d'aller boire un verre d'oasis entre deux partenaires. Inutile de préciser que les seules qui étaient là étaient des Françaises, à l'exception d'une Portugaise. La plupart des autres étudiantes européennes se tiennent très à l'écart de ce repère à crouille. Ah, là, on touche du doigt quelque chose. Hein. Bah, les putains nègres. La française. Hein. Ouais, la française. Ouais, la française. Le tropisme négrophile, hein, là, très clairement. C'est de la sociologie, hein, ce qu'ils nous disent. Alors, bon, les gens vont dire, c'est peut-être pas vrai ce qu'ils racontent. Bon, enfin, moi, je pense que c'est quand même assez vrai. Je crois qu'il y a un niveau de détail voilà, impressionnant pour que ce soit faux. Ouais, ouais, ouais. Et, alors, il y a quand même un truc qu'ils disent. Ils disent, les autres européennes, enfin, imaginons de la fac, donc on peut imaginer quelques tchèques, de l'italienne, une britannique ou deux. Là, non, alors, le zouk, non. Mais les françaises, alors là... Il y a un problème, d'où ça vient ça? Non, mais on s'en rend pas compte, mais il n'y a qu'en France en fait où la musique de nègre est devenue mainstream. C'est le seul pays d'Europe où quand tu écoutes la radio, tu as du zouk love, enfin de la musique africaine. C'est unique en Europe. Malheureusement, le hip-hop, qui est quand même une musique très très influencée par la rythmique africaine, par les Africains tout court. Malheureusement, le hip-hop est devenu la nouvelle pop. Hein. Et aujourd'hui, les gens qui font le plus de streams, les gens qui, on va dire, qui font le plus de vues sur les réseaux sociaux et tout ça, les nouvelles pop stars, ce sont quasiment à 80%, ce sont des rappeurs. Donc, en France, tu parles. Hein. C'est, malheureusement, les Africains sont en train de gagner sur ce terrain-là, mondialement. Enfin, ils sont en train de vraiment de gagner l'Occident. En revanche, sexuellement, vous avez raison, il y a que certains pays où la négrophilie est sexuellement démocratisée, quoi. Il y a, par exemple, dans un pays comme la Finlande, l'antiracisme est démocratisé. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire nègre en Finlande librement. En revanche, vous pouvez demander à une femme si elle est attirée par les hommes noirs. 9 sur 10 vous diront que non, quoi. Et ça, vous le retrouverez dans plein de pays, dont les pays de l'Est, les pays latins. Mais en revanche, il y a l'Angleterre, la Suède et peut-être l'Allemagne. L'Allemagne, j'en suis moins sûr, mais pour l'Angleterre et la Suède, j'en suis malheureusement sûr pour eux. Ils sont aussi négrophiles que les femmes là-bas sont aussi négrophiles que les Françaises. En Suède, c'est absolument. Alors là, peut-être la différence, excusez-moi, je termine rapidement, j'en ai plus pour 30 secondes, mais là, peut-être la seule différence, c'est que en Suède, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, vous avez des filles, des blondasses à nègres, et vous avez des filles qui vous diront non, jamais ça. Alors qu'en France, le problème, c'est qu'il y a très très peu de filles qui vous diront je ne sortirai jamais avec un noir. Moi, en France, j'en ai rencontré très très peu des filles qui m'ont dit ça. Donc, alors j'ai vécu en Île-de-France, c'est peut-être pour ça, mais j'ai quand même arpenté la France et je sais pas ce que vous en pensez, mais des filles qui vous disent clairement qu'elles ne sortiront jamais avec un noir, moi j'en ai croisé très peu en France. Quelqu'un là-dessus? Pas spécialement, pas de constat, pas de remarques de ce style. Enfin, moi j'ai jamais eu trop de. Comment dire dans les nanas que j'ai pu côtoyer à droite à gauche, Enfin, j'ai jamais eu trop de nanas qui étaient vraiment négrophiles. Alors après, c'est peut-être j'ai eu du bol, mais de ce que je vois de mon côté, c'est vraiment pas l'état, enfin la normalité de vouloir se faire bourriquer par des nègres. Mais peut-être que dans d'autres coins ça l'est. Alors je sais pas si c'est géographique ou quoi, hein. C'est peut-être ça. Hein. Oui, puis c'est très souvent une question de pression sociale et familiale. Tu regardes par exemple les beurettes qui sont pas les beurettes à quai, enfin les beurettes à gnoul qui sont très très mal vues des maghrébins, mais généralement ce sont. Les beurettes à Rennes, tu veux dire? Ouais, t'en as quand même beaucoup qui vont admettre que non, c'est juste impossible pour elles de se mettre avec un nègre, même musulman, parce que justement, tu as la pression. Mais si au contraire la pression sociale et familiale elle vise plutôt du côté de l'antiracisme, et ben justement elles vont se restreindre. C'est pour ça que les femmes très généralement ne pensent pas toujours par elles-mêmes. Elles sont toujours le produit d'un certain milieu. Et si le milieu est sain, ben, évidemment elles vont pas se mettre à la colle avec les nègres. Je rebondis là sur précision par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai vu récemment une carte, alors je ne saurais plus vous donner la source malheureusement, qui était justement à ce propos. C'est-à-dire, on posait la question à des femmes, savoir si elles envisageaient, Ouais. est-ce que c'était une possibilité d'avoir une relation avec un Africain, enfin un nègre, hein, c'était vraiment un noir pour le coup. Et tu avais selon les pays des résultats très différents. Je crois que les top pays où c'était oui, c'était Suède, et tu avais aussi bizarrement l'Espagne. Enfin, bizarrement, je sais pas, mais en tout cas, tu Ah, avais j'aurais pas l'Espagne. cru, tiens, c'est marrant ça. Et un des pays où c'était très très très bas, c'était l'Italie, quoi. Alors peut-être qu'effectivement, dans le sud-est, étant proche de l'Italie, est-ce qu'il y a quelque chose, un biais Je culturel à ce niveau-là, je sais pas. je crois que les Grecs sont extrêmement racistes aussi, hein. Ah oui, les Grecs sont très très racistes. Ouais, les études d'opinion semblent être convergentes là-dessus, c'est vraiment niette, quoi. Oui, mais Mais je pense d'Europe. que les pays les plus. Excuse-moi, oui, vas-y. Non, mais d'Europe occidentale, Ah oui. c'était l'Italie, quoi. Enfin, l'Italie, c'est déjà il n'y en a que 30% quoi, qui envisagent même la possibilité. Voilà, nègre, non, quoi. C'est déjà Ah, beaucoup, ça, hein. c'est énorme, hein, déjà C'est déjà 30%. énorme. Ouais, mais bon, dans le reste, c'est du 60, 70, voilà, hein, Oui, et la France, c'est combien alors, du coup, je sais j'étais. plus, c'était un petit peu moins que l'Espagne quand même, mais ça va être dans les de D'accord. 70-80. D'accord. Mais c'est peut-être grâce à nos Arabes aussi, donc faut se méfier des Il statistiques. faut se Ouais. méfier, faut se méfier des statistiques. Alors j'enchaîne, il continue là-dessus. J'ai encore des dizaines d'anecdotes que je pourrais raconter sur ma vie dans cette cité du Crouse. Par exemple, à quel point les nègres sont bruyants, à quel point ils sont voleurs. Je me suis fait forcer ma boîte aux lettres 2 fois en quelques mois. À quel point ils sont crasseux, salissant la cuisine commune de façon inimaginable. À quel point ils sont portés sur le sexe, à quel point ils sont bêtes, même les doctorants, à quel point ils sont venus en France sans avoir la moindre intention du monde de repartir. Vous allez me dire, oui, mais alors, t'es dans une université, forcément il y a des étudiants étrangers, les facultés sont un lieu de savoir, et le savoir est cosmopolite. Ce n'est pas le problème. On n'a pas attendu le Crous pour inviter De Vinci à Amboise. Par contre, je trouve effectivement anormal que dans une résidence universitaire construite pour accueillir les Français qui en ont besoin, on ne retrouve que des putains d'Africains. C'est un scandale que les Français payent pour ça, c'est un scandale que les Français payent pour un truc auquel leurs enfants n'ont pas accès. J'ai la chance ou la malchance d'être un prolo et donc d'être à l'échelon de bourse le plus important. Je suis donc prioritaire pour les logements, ce qui explique que j'ai pu récupérer une chambre aussi facilement. Et encore, j'étais en liste d'attente. Mais j'ai beaucoup d'amis qui galèrent dans la vie, qui vont à la fac, qui auraient aimé avoir accès à des chambres Crous, mais qui ont reçu des réponses négatives. Alors oui, je conçois bien qu'être pauvre au Bénin, c'est autre chose que d'être pauvre en France. Je comprends qu'il faille aider ceux qui en ont besoin. Moi non, mais bon, je laisse parler le. Mais le mot d'ordre devrait être les nôtres avant les autres. Tant qu'un seul jeune Français sera en galère de logement ou d'argent, aucune chambre et aucune bourse ne devraient être attribuées à un extra-européen. Et si on veut vraiment faire venir des étudiants étrangers, qu'on vienne en aide aux Européens, bon Dieu, une de mes amies à la fac est de Lituanie, elle galère financièrement, elle a le droit à aucune aide française. Et pourtant, c'est une fille réellement brillante, francophile, qui en 5 ans pourrait devenir française et en 10 ans pourrait décrocher une médaille Fields au nom de la France. Mais on préfère importer du doctorant tunisien Bac-8. Qui va continuer à entretenir la dévaluation des diplômes et à engorger les œuvres sociales qui étaient supposé permettre à tous les Français talentueux de pouvoir faire des études. Notre système universitaire entretient le dysgénisme généralisé de la société, à la fois d'un point de vue racial, mais aussi d'un point de vue intellectuel. On est très très loin de la méritocratie à l'ancienne. On a le droit à une bourse étudiante, où le droit à une bourse étudiante était conditionné au devoir d'être excellent pour servir et rendre au pays ce qu'il nous offrait. Car il faut bien comprendre un truc, les Français doivent se mettre ça dans leur gros crâne nègre ouaché. C'est-à-dire négrifié, si vous voulez, rien n'est gratuit, rien. Quand un nègre a un pass Navigo gratos, c'est que c'est toi qui payes, sale goy. Quand un Algérien vient se faire rincer et a une chambre crouse et des bourses, c'est toi qui payes, pauvre goy. Quand toi, tu as une bourse ou une aide ou le RSA, c'est que d'autres goy payent pour toi. Rien n'est gratuit. Quand c'est pas toi qui payes, c'est un autre. Quand ce n'est pas le nègre qui paye, c'est toi. Donc quand les nègres viennent polluer notre système universitaire en l'utilisant comme filière d'immigration, rappelle-toi que ce n'est pas parce que l'université publique ne coûte rien qu'elle est gratuite. La place du nègre, c'est toi, tes parents, tes impôts, ta TVA qui la paye. Le nègre, c'est toi qui le finance, sa chambre, c'est toi qui la paye, sa bourse aussi. Et contrairement à un pass Navigo, qui est un bien indivisible, donner un pass niveau à X ne prive pas Y de son pass, l'université et les CROUS sont limités en nombre. Une fois le nombre de places attribuées, il n'y en a plus. Donc, quand tu fais rentrer un nègre en France, à la fac, au CROUS, tu lui offres quelque chose que tu as payé, que lui n'a pas payé, mais qu'il utilise à ta place. Ça revient à acheter une place de ciné et à la donner à un mec au hasard dans la rue, en sachant en plus que le mec n'ira pas voir le film, ou qu'il ira au ciné mais passera tout le film sur son portable. Là, on fait la même chose. Le goy paye pour un service auquel ses enfants n'auront pas accès, mais puisqu'il préfère offrir ce service à un nègre qui de toute façon souillera ce service et n'en fera pas bon usage, car le nègre ne travaille pas à la fac. Il est stupide. Dans un tel contexte, quoi qu'en disent les profs et les associations dégénérées, demander aux étudiants nègres de payer leurs frais de scolarité me semble la moindre des choses. Et encore, on est très généreux, en ne demandant qu'une fraction infime de ce qu'ils nous coûtent vraiment. C'est pourquoi j'appelle solennellement à soutenir la mesure du Reichsführer Macron, qui a passé la première mesure républicaine ouvertement raciste, forcer les étudiants extra-européens à payer leurs frais d'inscription. C'est un bon début, le minimum. Mais sans rentrer dans de grands débats, finalement, le plus réaliste dans tout ça, c'est un Taïwanais francophone de mon bâtiment qui m'a dit un jour cette phrase légendaire. « Moi, il y a beaucoup de nègres à mon étage. Toi aussi ?» Le pauvre ne connaissait pas le mot. Il a utilisé ce qui lui semblait le plus proche du concept qu'il voulait exprimer. J'osais lui dire que ça ne se disait pas dans la Sainte République marron, mais j'ai bien rigolé et le rire étant communicatif, lui aussi. Comme quoi le racisme rapproche les peuples. Bref. Prions les dieux, quels qu'ils soient, de nous libérer de la pouillerie ottomane, nègre, juive et sodomite. Je vous en fais la promesse, si jamais je meurs dans ma cité ucramée par les bêtises d'une négresse qui n'aurait pas compris comment fonctionne une plaque électrique, je vous promets de dire à Saint-Pierre de renvoyer Adolf Hitler sur Terre pour qu'il vienne nettoyer tout ce merdier et qu'il explique à nos dirigeants comment on s'occupe d'un peuple et de sa jeunesse, comment on cultive l'intelligence et comment on cultive l'excellence. Sieg Heil, Karl. Ah, très, très bon commentaire. Très belle plume. La fin était pleine d'entrain. Hein. Ça faisait très programme politique. Notre cher ami aurait une carrière à faire dans cette idée-là. Quoi. Alors, ça me rappelle des souvenirs. Parce que moi aussi, enfin, si vous voulez, pendant que je travaillais, hein, j'étais pas étudiant, je travaillais à temps plein, mais j'ai repris des études pour mon plaisir personnel. Donc, vu que j'étais dans une université qui est très très loin de la mienne, j'ai été dans ces CROUS en fait. J'ai loué un appartement à la nuit dans un CROUS totalement négrifié. Et je me reconnais dans ce qu'il dit. Alors moi, je n'y étais que le temps de mes partiels, mais j'ai vraiment halluciné devant le remplacement de population. Il n'y avait que des nègres, hein, quasiment. Il y avait beaucoup, beaucoup d'étrangers. C'était exactement le même contexte lui, c'est-à-dire que les... En fait, les... il n'y avait pas de... Il y avait quelques blancs qui rasaient les murs, et ils n'utilisaient jamais les communs, en fait. C'est-à-dire que quand ils voulaient aller se doucher, ils n'utilisaient pas les douches collectives, tellement c'était dégueulasse. Et quand ils voulaient cuisiner, ils se démerdaient entre eux pour... l'un d'entre eux avait une petite plaque induction portable. Tellement les locaux qui étaient bien faits, hein. Je veux dire, c'est quand même c'était relativement neuf, mais c'était dans un état d'insalubrité que j'ai jamais vu. Mais vraiment, hein. J'ai fait du camping quand j'étais marmot dans des coins très très populaires. Je n'ai jamais vu un endroit aussi dégradé. Et effectivement, ce qui m'a, j'ai pas à dire surpris parce que bon, je m'y attendais quand même. C'est le niveau des étudiants, masters et doctorants étrangers qui arrivaient là par un système d'équivalence, mais enfin, qui a rien à foutre en France, parce que des types qui ont le bac ont en fait un niveau de fin de troisième, et encore, je suis gentil. Je suis très très gentil, et c'est la même chose pour la licence. Des gens qui ont un niveau licence n'ont même pas le niveau bac, et ils ont un niveau dans leur matière qui est complètement dingue. Et ce qui est terrible, c'est que les étudiants français, on est beaucoup ici à le savoir, si tu laisses émettre l'idée que tu es de droite, même si tu es relativement bon, même si tu travailles, même si tu t'impliques dans ta matière, tu sais très bien que tu vas pas forcément pouvoir faire un doctorat. Et puis c'est pas forcément mauvais, parce que bon, la recherche a ses limites. Mais voir le nombre de nègres doctorants dans les facs, surtout les facs de sciences humaines en France, alors que les types n'ont même pas un niveau de licence, c'est... Moi, j'en suis pas revenu. Hein. Pourtant, j'ai, comme je vous le dis, hein, j'ai quand même mes idées depuis très très longtemps. Et ça m'a sidéré. D'ailleurs, j'ai pas eu envie de continuer les études par correspondance parce que... Quand j'ai vu le niveau, je me suis dit que c'était vraiment pas la peine, parce que l'université française ne vaut plus rien, et un master en France, personnellement, ça vaut que dalle. Qui d'autre ? Je crois que c'était il y a moins d'une semaine, hein, on a posté la fameuse vidéo de Troposphère 6 pour voir un peu le potentiel d'éducation finalement des nègres, et je pense, hein, je présume, que l'ingénieur chef de projet qu'on voit dans la vidéo, il a à peu près le niveau d'un brevet des collèges en France. Hein, voilà. Vous irez voir la vidéo, vous ferez un avis. Il a probablement été formé en France d'ailleurs, grâce à un programme très ambitieux de l'éducation nationale et du Quai d'Orsay. Enfin, j'imagine tout ça très très bien. Oui, alors bon, t'as les problèmes d'équivalence, et t'as un autre problème qui est celui des faux diplômes. Alors des vrais faux diplômes en Afrique, parce que si tu as ton oncle qui a tel ministère, et c'est très très connu aussi au Maghreb, le diplôme tu l'as comme ça, tu l'as au bakchich. Oui, et les nanas ont d'autres moyens d'obtenir les diplômes aussi. Mmh. Ouais, ouais. Oui. Et on sait que les maghrébines sont très prudes, hein. Elles ne commercent pas, hein. D'accord, bon bah nous... Oui. Ça nous amène sur un sujet. On a l'occasion d'en reparler. Alors, je vous propose de passer à la rubrique numéro 2. Les amis, je remercie quand même Karl pour ce vibrant témoignage de la réalité étudiantine. On en avait déjà eu un, comme je l'ai dit. Ça concernait l'université de Nantes, où on avait sensiblement hein, les mêmes échos. Donc, vous voyez, y a quand même une... Enfin, c'est corroboré, hein, voilà. Donc... la négrification, la maghrébisation de l'université française, donc en fait l'effondrement complet de son niveau, y compris sanitaire. Donc merci pour ce courrier très très très éclairant pour nos auditeurs. Alors rubrique numéro 2, autisme radical. Et là je vous propose d'aller en Suède, où là on progresse aussi, on est dans le progrès, dans une dynamique... résolument avant-gardiste, c'est le journal La Minute qui nous cite ça, mais c'est un écho en fait d'un article paru dans la presse suédoise. Voici ce que ça nous dit. Les féministes suédoises réclament l'interdiction officielle des robots sexuels jugés dangereux. Trois organisations féministes suédoises affirment que les robots sexuels et les poupées sexuelles renforcent l'opinion selon laquelle les femmes sont des objets et normalisent la violence des hommes à l'égard des femmes. Ils réclament une législation ciblant une technologie, je cite, « reproduisant des idées sur l'exploitation du corps des femmes ». Ces trois organisations féministes, dont je vous passe le nom parce que c'est pas très important, ont publié donc un appel conjoint dans le journal Expressen, dans lequel elles demandent donc une interdiction de ces robots. Les commentateurs ont noté que les robots sexuels actuels présentent souvent les apparences et attributs typiques de l'attitude objectivante, sexualisée et dégradante à l'égard des femmes qui caractérise la pornographie traditionnelle. Alors c'est du verbiage, ça veut dire qu'en fait les robots en question ont des gros seins. Voilà, c'est pour vous avez pas le truc le verbiage que vous avez entendu. En fait, elles disent ça correspond au canon de beauté qu'on retrouve dans la pornographie. Voilà. Pourquoi les hommes sont-ils disposés à payer des dizaines de milliers de dollars pour un robot qui obéit à leur plus petit commandement ? S'interrogent donc ces femmes, enfin ces féministes qui ont demandé qui poursuivent, une femme robot ne peut pas dire non à quelque chose que l'homme veut si elle n'est pas programmée pour le faire, se sont-elles plaintes. Les dirigeantes des organisations de femmes ont affirmé que les fantasmes stimulés par une telle technologie, donc de femmes soumises, hein, pourraient conduire à une véritable violence contre les filles et les femmes. Ils ont également établi des parallèles avec la pornographie, dont la consommation, selon eux, conduit à des attitudes sexistes et à la violence réelle. La déshumanisation des femmes justifie l'esclavage et l'exploitation du corps féminin par le biais des nouvelles technologies en fait partie. Ont-ils affirmé, les trois organisations ont demandé qu'une enquête soit menée afin de formuler les propositions sur la manière, je cite là encore, dont la technologie et les activités normalisant les abus peuvent être restreints et interdits. Donc en gros, comment les interdire, hein, ces fameux robots, enfin ces fameux femmes robots. Fameuses femmes robots. Les féministes veulent également que les autorités suédoises rendent difficile l'ouverture de maisons de prostitution avec des robots sexuels et des poupées. En Suède, contrairement au Danemark ou à la Finlande, pays voisin, la Suède n'a toujours pas ouvert de maisons de passe automatisées sans prostituées humaines. Les organisations ont établi des comparaisons entre les robots sexuels et la prostitution. La Suède dispose depuis 20 ans d'un cadre réglementaire punissant les acheteurs de produits sexuels et réduisant la demande de prostitution. La Suède doit maintenant franchir une nouvelle étape et oser s'attaquer au développement technologique en cours conduit par l'industrie du sexe aux frais des femmes et des filles réelles, ont-elles conclu. Enfin, elles ont exigé que de telles poupées et robots soient inclus dans les programmes d'éducation sexuelle et abordés dans une perspective qui présente la relation, notez bien, entre sexualité et pouvoir comme problématique. Et voilà. Alors, article très virulent, hein, vous avez entendu les exigences, les demandes d'interdiction. Alors, ça vise à la fois les robots en tant que tels, mais aussi éventuellement les bordels où on trouve des robots de ce style. Bref, il faut bannir les femmes robots. C'est les féministes qui l'exigent. Étonnant, hein. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elles veulent lever en fait le lièvre, la sexualité du pouvoir, en nous faisant croire que c'est à leur détriment que ça se fait, dans le sens où les femmes seraient encore une fois réduites à des objets, des pauvres petites choses, victimes, sans volonté, tout ça. Mais ce qu'elles ne disent pas, et c'est bien normal parce qu'elles luttent pour leur propre paroisse, c'est que celles qui ont véritablement du pouvoir sur la sexualité actuellement, qui en ont toujours eu, sont les femmes, hein. On dit toujours, l'homme propose, la femme dispose, et en fait, ce qu'elles craignent vraiment, c'est tout simplement que c'est de la concurrence déloyale, quoi. C'est-à-dire, ah ouais, mais non, mais vous pouvez pas avoir des chattes à disposition qui sont pas chiantes, qui ont un physique parfait et qui vous casseront pas les couilles, en fait. Pourquoi ? Bah parce que ça sape leur pouvoir à elles, quoi. Exactement, exactement. Là, ça touche la question du féminisme, selon moi, qui s'est toujours paré de vertu émancipatrice, en disant on va émanciper les femmes, on va leur donner plus de droits, les reconnaître à égalité, c'est des conneries. C'est une lutte pour le féminisme est une lutte pour le pouvoir, c'est l'impérialisme en fait vaginocratique, qui prétend en fait déposséder les hommes de leur pouvoir naturel, dans les sociétés occidentales pour les remplacer par vraiment des systèmes autoritaires tenus par des femelles, en fait. Hein, c'est ça le projet. Et comment ça fonctionne psychologiquement, et j'ai même envie de dire biologiquement, ben par le rationnement sexuel, c'est-à-dire le chantage au coït. Si vous, les mecs, vous refusez de faire nos volontés, hein, voilà, de nous donner plus, on baisse plus. Alors évidemment, c'est pas dit comme ça, c'est pas mis en forme comme ça, mais c'est ça qui se passe. Hein. Et les mecs, jusqu'à présent, ils étaient, enfin depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout depuis les années 60, ils sont rentrés dans cette mécanique-là, c'est-à-dire, ah, les femmes font un caprice, bon, on cède au caprice, et les choses vont rentrer dans l'ordre. Et puis en fait, on se rend compte que non. Et les féministes ont compris ça. Elles ont compris ça. Donc, chaque année, il y a une nouvelle demande. Voilà. Alors, concrètement, c'est la parité dans toutes les élections. Voilà. Si l'Assemblée nationale n'est pas pour moitié composée de femmes, ça ne va pas. Dans les entreprises, les conseils d'administration, etc. Bon, ça n'arrête jamais. Il y a toujours une revendication supplémentaire. Tout ça, derrière, est motivé par, effectivement, le pouvoir implicite de satisfaire sexuellement les mâles. Voilà. Et c'est tellement vrai que les mêmes organisations féministes prennent fait et cause pour l'immigration. On les a vus systématiquement. Ou alors, on ne les a pas entendus. Rappelez-vous quand il y a eu l'affaire des viols à Berlin. À Cologne. En 2015, là, quand il y a eu l'immense vague d'immigrés musulmans arrivant de tout le monde musulman et qui s'est rué sur l'Europe et plus spécifiquement sur l'Allemagne, quand il y a eu l'affaire des viols et des agressions sexuelles de masse à Cologne lors du Nouvel An, toutes les associations féministes, pratiquement, sont restées silencieuses. Pourquoi ? Bah, ça, c'était l'aveu. C'est-à-dire qu'en fait, leur stratégie, c'est de réduire le pouvoir des hommes blancs, et pour réduire le pouvoir des hommes blancs, démultiplier le nombre de mâles marrons, c'est probablement la meilleure arme qu'elles ont à leur disposition. Et ça fait vraiment le lien avec ces histoires de poupées sexuelles, c'est-à-dire que si les hommes blancs... Alors là, on n'est pas encore tout à fait dans ce cas précis, on n'est pas encore tout à fait face à ça. Puisqu'évidemment, les poupées dont on parle, enfin les robots sexuels dont on parle, ont l'air de plus en plus réalistes, vraiment, hein, y a des ça devient vraiment une industrie, donc ça... très clairement, la technologie progresse, mais on est encore loin d'avoir des robots qui sont capables de tenir une discussion extrêmement élaborée, de faire des tâches ménagères ou autres, comme pourrait le faire un être humain, ça c'est tout à fait clair. Mais on est en droit d'imaginer qu'au cours du XXIe siècle, avec les progrès dans la robotique et dans d'autres champs des technologies disponibles, intelligence artificielle, etc., peut-être qu'on va approcher quelque chose de cet ordre-là. Et là, en tout cas, elles le disent, elles disent, attendez, là, il y a un problème. Et elles pointent du doigt, comme tu disais, Captain, elles pointent du doigt le rapport entre sexualité et pouvoir. Mais pas comme elles le disent, parce qu'elles, elles accusent les hommes. Mais en fait, c'est leur pouvoir à elles, celle qu'elles ont acquis. Voilà. Donc là, je pense qu'on est à la veille de quelque chose. Je pense qu'on est à la veille de quelque chose. Je ne sais pas si ça va se passer. Mais en tout cas, ces femmes-là, derrière le discours sur la culture du viol, le fait que les hommes réduisent les femmes à des objets, derrière tout ce discours-là, il y a un vrai combat politique, et surtout qu'on parle de la Suède, où là, vraiment, le féminisme est au pouvoir, la vaginocratie est au pouvoir en Suède. Alors, là, je vais donner peut-être la parole à Astérix, qui connaît quand même bien la Suède. Qu'est-ce que tu as envie d'en dire ? Bah, écoute... rien de très surprenant étant donné ce qu'on sait de la Suède, quoi, hein, c'est à savoir que c'est le pays le plus taré sur au sujet du féminisme, c'est le pays qui avait voulu faire pipi assis aux gamins, c'est le pays qui avait voulu faire signer des contrats aux mecs et aux femmes avant qu'ils baisent, avant de consommer la chair, enfin bref, c'est un peuple de fous, quoi, de tarés. Donc ils vont toujours plus loin. Je sais pas quand est-ce que les hommes là-bas vont se rebeller. Les hommes sont vraiment soumis, c'est assez incroyable de voir ce que sont devenus les gros vikings qu'on ont conquis la moitié de l'Europe, quoi, enfin quasiment toute l'Europe même à une époque, qui étaient des barbares conquérants. Aujourd'hui, c'est devenu des petites fiottes métrosexuelles à franges. C'est jeans slim là, les petites baskets en soquette avec les jeans slim là. Bah remarquez, nos gounules de banlieue sont habillés comme des Suédois maintenant. Ça c'est vraiment, ça devient vraiment n'importe quoi. McDav. Oui. Alors moi j'aimerais dire deux choses. La première, c'est que les féministes sont particulièrement hypocrites, puisque pendant des années, depuis la révolution sexuelle, elles ont fait la promotion du plaisir féminin solo, de la masturbation et des sextoys. Hein, puisque l'accès au plein potentiel de jouissance sexuelle a été le synonyme de la libération de la femme. Mm. La deuxième chose, c'est que... Alors pourquoi tu dis c'est hypocrite? Alors, c'est ce que tu peux préciser, ça tu... Ouais, bah, tout simplement parce qu'à partir du moment où tu considères que... moi, je ne suis pas pour, hein, à titre personnel. Je considère pas qu'un monde sain est un monde où madame a son sextoy et où monsieur a sa poupée sexuelle. Je suis pour l'entente entre les sexes, avec évidemment une domination masculine à l'extérieur du foyer. Enfin bon. D'accord, mais pourquoi c'est hypocrite que... Enfin, je comprends, moi je sais pourquoi, mais... Tout simplement, parce que le godemiché, on en a fait la promotion. Hein, les femmes se font en France, enfin vous le savez certainement, il y a eu les réunions Tupperware, et ensuite il y a eu les réunions godemiché. Ça je savais pas, non. Tu vois une nana qui a encore envie de se faire un petit peu de pognon à côté, bah, elle invite ses copines le samedi après-midi pour vendre des godemiché en vente pyramidale. Et ça a été promu pendant des années, enfin c'est... Je veux dire, Donc toi tu dis l'hypocrisie c'est de voir ces féministes arriver en disant vous les mecs là vous pouvez pas prendre votre pied tout seul de votre côté, c'est ça que tu veux dire? Bien sûr, c'est ça, c'est ouais. Tout à fait ça. D'autant plus que c'est ce que j'ai dit, mais je pense que c'est ce que tu veux dire aussi, c'est qu'il y a quand même l'ambition de contrôler la sexualité des hommes. Mais c'est tout à fait ça, et c'est pour ça que je reviens à mon deuxième point, le véritable impact des robots sexuels, parce qu'il faut pas rêver. Il va y avoir aussi des robots sexuels pour les hommes. Enfin, des robots sexuels hommes pour les femmes. Mais ça va pas du tout avoir le même impact. Ça n'a totalement rien à voir. Ça va être totalement dissymétrique. Puisque le véritable enjeu des féministes, c'est le contrôle et la domestication des hommes. Dans un but précis, détourner leur libido pour devenir, entre guillemets, compétitifs entre eux, pour servir les femmes. C'est ça le véritable but du féminisme, c'est ça. C'est domestiquer les femmes. C'est pas pour rien que les femmes adorent les chevaux. Domestiquer les hommes, tu veux dire? Bien sûr, c'est ça. C'est domestiquer les hommes pour pouvoir contrôler leur sexualité. Mais quelque part, c'est la même chose pour les hommes. Les hommes, globalement, savent qu'il faut maîtriser la sexualité des femmes, et l'inverse est aussi vrai. Il faut domestiquer la sexualité des femmes, et ce qui va leur poser un gros problème, c'est Balzac qui disait que toute femme a sa fortune entre ses jambes. À partir du moment où tu multiplies les robots sexuels femmes, bah, que vont devoir faire les femmes pour prouver leur propre valeur? Bah, elles vont devoir redevenir des mères, des épouses aimantes, et prouver une valeur qui n'est pas uniquement sexuelle. On pourrait elles vont devoir montrer qu'elles ont une véritable valeur ajoutée, disons quoi. Bah tout à fait, c'est la fin de la récré en fait. Pour être, c'est assez paradoxal, mais disons que c'est la fin de la libération sexuelle par l'ubérisation du marché quoi. C'est l'ubérisation de la chatte. Intéressant. Ouais, bon. Elles vont devoir faire autre chose que tout simplement se montrer comme uniquement de potentiels partenaires sexuels. Elles vont devoir trouver autre chose. C'est une bonne chose. En fait, ça pourrait être réalisé même sans robot. Enfin, je veux dire, là, c'est juste pour les besoins de la démonstration, donc c'est exclusivement théorique. Mais si demain on faisait venir, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais bon, j'insiste. Parce que bon, les robots sexuels, on va dire les femmes robots sexuelles, ou même d'accompagnement, on pourrait imaginer des femmes comme ça, robots, qui peuvent vraiment tenir un foyer ou accompagner quelqu'un qui est seul. Parce que les gens peuvent se dire, oh, mais c'est ridicule, ça ne marchera jamais. Mais il y a des gens qui sont seuls. Il y a des gens qui sont seuls chez eux. Et en fait, il y a aussi autre chose, c'est il y a le risque. Le risque du divorce, ne l'oubliez pas, avec les conséquences financières. Si vous avez un robot, il n'y a pas de risque comme ça. C'est-à-dire que le robot, imaginons, bon, là, c'est pas tout de suite, mais imaginons, je dis n'importe quoi, une date comme ça, bon, dans 50 ans, on a des robots qui physiquement sont extrêmement convaincants, qui peuvent marcher, faire des tâches, discuter, ouais, bref. À la Westworld, quoi. Voilà, vous ne pouvez pratiquement pas faire la différence. Bon, c'est un investissement. Mais elle peut tout faire tout le temps, je veux dire les tâches ménagères, enfin faire tout ce qu'attend un homme au plan du foyer. Elle ne divorcera jamais, elle ne vous trompera jamais, elle ne vous volera jamais d'argent, etc., etc., etc. Bon, c'est une garantie totale. Or, face à ça, aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît hein, du divorce, etc., bah, c'est tout l'inverse. Mais bon, c'est une perspective qui est encore assez lointaine, parce que là, c'est les balbutiements de la technologie, mais ça fait des problèmes. Mais imaginons, juste pour les besoins de la démonstration, comme je disais, qu'on fasse venir, je raconte n'importe quoi, hein, des filles de l'Est, en masse, au titre de l'immigration, en disant, bah, écoutez, voilà, bon, prenons le cas de la France, ou le cas de la Belgique, puisque Fulbert est avec nous, dire, voilà, bon, ben, y a des hommes seuls, le célibat est un vrai problème. On va faire venir des jeunes filles voilà, qui veulent venir parce qu'elles vont rendre service au pays en créant des familles, etc. Quelle serait, d'après vous, la réaction de ces mêmes féministes? Elles hurleraient à l'esclavage sexuel. Et là, on trouverait toute une autre série d'excuses. Et là, ça pourrait être fait tout de suite. Donc, pas besoin de se projeter avec des histoires de technologie. On pourrait avoir voilà, une immigration féminine. Vous n'entendez jamais parler de ça, bien sûr, mais ça pourrait être un programme, et j'aime autant vous dire que vous recevriez des votes avec une telle proposition, des votes masculins. Et on aurait les mêmes attaques. On aurait les mêmes attaques. Donc, on en revient au problème hein, que Magda va bien aborder. Quoi. Qui d'autre ? Ouais, c'est vrai que Magda va souligner un point qui est extrêmement intéressant, c'est quand les féministes font la promotion du God, ce qui s'est passé pendant quand même pas mal de décennies, présenté comme de la libération sexuelle, quoi. Mais il y a des gens qui font la promotion des fameuses poupées sexuelles, là, tout de suite, c'est l'oppression patriarcale. Enfin, elles deviennent complètement folles, du coup, les gonzesses. Elles deviennent complètement hystériques, parce que, comme tu l'as dit, Gandalf, elles se sentent complètement en danger. Elles voient ça comme de la concurrence. Depuis l'idéologie de mai 68, quoi, enfin, depuis que nos femmes sont devenues des chieuses au lieu d'être des épouses aimantes, on va dire, pour simplifier un peu, hein. C'est vrai qu'il y a une concurrence. Moi, je suis pas trop, c'est pas trop mon truc, hein. Poupée sexuelle, moi, ça m'attire pas du tout. Hein. Je vais pas acheter la pierre. Non, on est d'accord. Mais bien sûr. Tu fais une comparaison, tu vois. Je veux dire, moi, je comprends les mecs qui se posent au moins la question. Je vais pas leur acheter la pierre parce que les poupées sexuelles, bon, bah, tu la payes déjà au départ une certaine somme. Je pense que ça coûte cher ces conneries. Mais après, t'es tranquille. Elle te coûte moins cher finalement si tu fais le compte. elle te casse pas les couilles, la poupée. Physiquement elles sont attractives, elles perdent pas de la valeur au fur et à mesure du temps. Alors, contrairement à nos gonzesses, tu vois, je veux dire, normalement une nana, voilà, à partir de 25 ans, plus le temps passe, plus elle ne fait que perdre de la valeur hein, physiquement. Elles disent tout le temps oui pour coucher, comme tu disais, Gandalf, elles vont pas nous faire chier avec un divorce ou être infidèle, ce genre de conneries, quoi. Donc je comprends les raisons qui sont derrière, et je comprends aussi pourquoi les féministes ont des raisons de s'inquiéter, quoi. Alors, Il faut se projeter. Je veux dire, là, les poupées sexuelles qu'on voit, elles sont inanimées. Bon, elles sont plus ou moins, j'allais dire, elles ont des attributs sexuels, physiques, je veux dire, plus mises en avant avec des grosses poitrines, etc. Mais moi, je dis bien, pour que vraiment le scénario soit crédible, il faut se projeter, disons, à un demi-siècle. Voilà, pour qu'on se dise, ah oui, effectivement, ça devient quelque chose de... Bah imaginez quoi, si vous avez un robot en face de vous qui a l'air d'être une superbe femme et vous pouvez pratiquement pas le distinguer, je veux dire, et qui peut vous parler comme une femme, bah que vous le vouliez ou non, votre cerveau il aura un problème à le distinguer, il fera pas vraiment la distinction. Donc là vous aurez un phénomène réel d'attraction. Parce que là, ce sera juste la biologie qui va faire son boulot. Captain. Ouais, je disais, moi j'assume entièrement. J'ai eu beaucoup de relations avec les femmes. Et moi, ce qui m'attirerait le plus dans un potentiel robot comme ça, très technologique, très développé, c'est pas tant l'aspect sexe en fait. C'est l'aspect stabilité, la stabilité émotionnelle en fait du robot hein, par rapport à une vraie femme. C'est comme tu l'as dit, tous les soucis de divorce, de tromperie qui n'existeraient plus. Parce qu'en fait, là, quand on pense à tout ça, on pense effectivement aux poupées gonflables ou même aux poupées, aux real dolls, hein, les poupées à plusieurs milliers de dollars qui existent, mais qui sont effectivement pour satisfaire des fantasmes sexuels. Et je pense pas que ce soit ça qui blesse le plus. C'est pas là que le bas blesse, en fait. Dans la société dépravée fondée par les juifs dans laquelle nous vivons, on peut facilement avoir accès à de la chatte. C'est pas la question. Que tu ailles voir des prostituées ou que tu dragues des meufs dans la rue, que tu sois sur Tinder ou sur d'autres sites de rencontres, la chatte, elle est accessible. Il suffit juste d'être un petit peu malin, savoir discuter un petit peu, et puis voilà, quoi. Non, le vrai souci, c'est ça. Le vrai souci, c'est la stabilité émotionnelle des femmes, c'est leur fiabilité sur le long terme, quoi. Moi, je sais que demain, on me propose un robot, comme on peut les voir dans les films de science-fiction, avec quasi des émotions. Hein, mais cette stabilité-là qui vient du fait que ça soit une machine, je signe dès demain. Alors, toi, j'ai vu des vidéos. Toi, tu dis que c'est l'aspect compagne hein, que tu veux souligner. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que qu'on ne se méprenne pas. Hein, je suis pas. Parce que les gens vont souvent se faire des idées sur nous parce qu'ils ne nous connaissent pas. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Je le répète, je suis pas un pauvre type puceau qui n'a jamais connu de femme dans sa vie. Bien au contraire, j'ai eu des relations très longues. Et en fait, ce que je vois, c'est que souvent, malheureusement, dans la société dans laquelle on est, disons que la société dans laquelle on vit va accentuer les travers de l'humain, en fait. Parce que à travers les siècles, qu'est-ce qu'ont fait les religions ou les sociétés? Elles ont tout simplement kept in check, elles ont mis sous contrôle les travers de l'humanité. Et actuellement, dans cette société enjuvée, en société gauchiste, on les exacerbe. Donc, moi, ce que je vois dans ces histoires de robots sexuels, c'est pas la poupée hyper chère dans laquelle on peut se branler, c'est véritablement la fiabilité, la compagne fiable incarnée que l'on peut vraiment avoir du mal de nos jours à trouver, quoi. Donc en fait, c'est la réponse, enfin hypothétiquement, hein, mais c'est la réponse technologique à l'abolition du patriarcat par le féminisme qui, je le rappelle, est quand même très essentiellement d'origine juive. Hein. Je veux dire, les activistes juives ont joué un rôle crucial dans le féminisme, avec toutes les questions qu'on connaît. Hein. Avortement, c'est lié à la reproduction. Hein, tout ce qui a permis d'empêcher l'homme blanc de se reproduire, d'avoir une natalité forte, bref, tout ce qui a permis de l'abattre biologiquement, a été encouragé. Donc évidemment, l'ingénierie sociale juive a attaqué prioritairement, c'est la cellule familiale. Hein. Donc effectivement, la femme n'a plus été la propriété de son mari. Donc ça, c'est la fin du patriarcat. Hein, donc voilà, le divorce, c'est ça. Vient après immédiatement ou en même temps l'avortement. Donc on peut disposer du fruit de ses entrailles et de son amour au nom. Hein, il dit le droit de disposer de son corps et accessoirement celui de son enfant aussi. La sexualité récréative, la sexualité a une part de récréativité, mais je veux dire, de ne la réduire qu'à ça, tout ça a permis en fait à l'abolition de la cellule familiale et donc de l'ordre social, hein, parce que c'est ce qu'on vit. Et le fait est que si vous vous intéressez aux avancées technologiques, vous découvrez qu'on peut maintenant, ils le font avec des veaux, moi je l'ai vu avec des veaux, il y a peut-être d'autres créatures avec lesquelles ils le font maintenant, mais on fait de la gestation externe d'embryons. Les gens doivent le savoir, ça. On fait de la gestation artificielle externe, maintenant, dans des poches spéciales, avec du liquide, un liquide amniotique équivalent, etc. Vous comprenez, quoi. Donc, Parce que quand on parle de compagne comme ça, l'argument qui peut être opposé à ça, alors moi je ne suis pas en train d'en faire l'apologie, c'est pas ce que je dis. Je décris un processus qui est visiblement en cours. Avec non, les implications. Ça, le fantasme numéro 1 des féministes, avec le contrôle de la sexualité masculine, c'est l'utérus artificiel. Enfin, pour les plus tarés des plus tarés. Ouais, mais à condition que ça soit à leur service. C'est-à-dire que si c'est fait par des hommes, c'est ça le danger là, avec un truc comme ça. C'est si les hommes peuvent les mâles blancs peuvent résoudre ces deux équations, c'est-à-dire la compagne, éventuellement le caractère sexuel bien sûr, et la reproduction avec des moyens technologiques que va offrir inévitablement le 21e siècle. Alors évidemment, c'est une évolution anthropologique. Inédite, ça c'est clair, et il y aura des gens qui vont contester ça pour des raisons diverses, hein, éthiques, etc. Mais bon, ça va être possible techniquement, sauf que ça va permettre aux hommes, littéralement, de créer une société par et pour les hommes, parallèle, si vous voulez. Et là, les femmes disent, attendez, c'est pas ce qui est prévu. C'est-à-dire que la société est censée être organisée autour de la femme, c'est ça que veulent les féministes, et c'est ça que veulent les juifs, parce que les juifs contrôlent les femmes. Et singulièrement les féministes, par le biais du féminisme. Donc, ces moyens technologiques peuvent, je dis bien que ça va se passer, mais peuvent, en tout cas potentiellement, offrir une société par et pour les hommes, parallèle, où les hommes n'ont plus besoin même d'avoir de rapport avec des femmes. Et là, ça s'écroule, parce que imaginez ce qui se passerait si, je raconte n'importe quoi, dans une société blanche, ou même cosmopolite, voilà, un pays blanc comme la Suède, mais devenu cosmopolite, multiracial, mais où les blancs peuvent se reproduire et peuvent avoir une des compagnes comme ça. Mais qu'est-ce qui va les empêcher à terme de dire « Mais pourquoi on a encore ces harpies en train de nous harceler ?» Vous comprenez, au bout d'un moment, il y aura... Bah, ils vont dire « Mais on n'a plus besoin de vous, barrez-vous !» Ça paraît presque délirant de le dire aujourd'hui, mais moi je le dis... Sur ce siècle, compte tenu des avancées technologiques considérables qui ont lieu, je ne suis pas certain que ça restera toujours de l'ordre de la science-fiction. Et ça aura inévitablement des conséquences considérables sur l'ordre social, sur le désordre social tel qu'il existe aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Qui veut rajouter quelque chose ou préciser quelque chose? Ouais, je rajoute un point s'inquiétant, du coup, Gandalf, parce que moi, j'ai vu des vidéos sur Internet, parce que des fois, tu parlais de délai, combien de temps ça va mettre, ou le moment où on pourra se faire bluffer. Moi, j'ai vu des vidéos sur Internet où je dis clairement, les robots que j'ai vus là, très clairement, je me suis fait bluffer. Il y avait en gros une humaine et puis un robot, et je savais pas différencier le. Alors c'était pas du tout un truc sexuel, hein, c'était des robots d'accompagnement, de l'affectif, machin, c'était pas une histoire de cul. Mais voilà, c'était déjà en place, quoi. Je pense que la technologie, on se rend pas compte, c'est les futurologues, bon là c'est un autre domaine, ils arrivent pas précisément à déterminer le moment où on va se faire bluffer tous, mais ça va arriver très très vite. Et il y a aussi un effet pervers à tout ça, c'est que nous, on se pose des questions assez complexes parce que nos sociétés sont complexes et on va arriver un clash de plus en plus grand entre les hommes et les femmes, ce que je ne souhaite pas. Comme MacDav disait tout à l'heure, moi je suis pour une réconciliation des sexes, même si j'estime que les femmes actuellement ont une lourde responsabilité dans les conflits qu'il y a entre les hommes et les femmes, on va dire en 2019. Et du coup, j'ai envie de dire, nous on va être confrontés à ça, par contre, ça va influencer à mort notre natalité qui est déjà pas très glorieuse, mais faudra pas compter par contre sur tous les pays non développés. Eux, ils n'auront pas ce genre de problème, ils n'ont pas accès à la technologie de genre de robots sexuels, et ils vont continuer à faire 10 gosses par jour pendant que nous on sera en temps encore de se battre entre hommes et femmes, quoi. Donc c'est pas. Écoute, je parlais de la gestation, je te dis, tu sais, il n'y a rien qui nous empêche de penser que tu pourras produire des enfants, alors je ne vais pas dire en surnombre, hein, mais. Où tu pourras faire des enfants, 2, 3, 4 gosses, en dehors, de manière artificielle, si tu veux. Peut-être pas tout de suite, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui nous empêche de penser que ça sera vrai dans 50 ans, vous voyez ce que je veux dire? Mais même, tu peux aller plus loin, c'est-à-dire, je suis persuadé que la technologie peut même faire plus, c'est-à-dire que tu pourras très bien avoir, parce que là on parle de robots, mais un jour on a aussi certainement un alliage entre... l'homme et la machine, en fait, le biologique et la machine, et les frontières seront plus floues, et tu pourras très bien avoir des robots qui seront capables d'avoir des fonctions biologiques, et notamment celui d'enfanter. C'est-à-dire qu'effectivement, là, l'humanité, je ne sais pas si elle cesse d'exister, en revanche, effectivement, ça rend les femmes complètement caduques. Et un truc qui est drôle, c'est que jamais vous entendez les hommes... Se plaindre, en fait. Enfin, si, nous, par exemple, ici, on peut se plaindre de l'utilisation de sextoys ou de la dépravation qui est liée, justement, à tout ce phénomène, en fait, de la libéralisation du sexe. Mais, en vrai, si demain, il y a des robots mâles pour les femmes, enfin, moi, j'en ai absolument... je n'ai rien à faire. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait... Si les hommes font une société bien ordonnée, une société d'hommes menée par des hommes, alors si les femmes ont envie de se taper des robots, enfin oui. Bah, et... Le problème, c'est que les femmes sont sensuelles. Les femmes sont conçues pour aimer. Elles sont conçues pour aimer, pour donner de l'attention, de l'amour, de l'affection à d'autres êtres. C'est pour ça qu'elles sont conçues. À leur mari d'abord, leur enfant ensuite. Mais les juifs leur ont mis ce virus féministe dans la tête, par toute une série de modalités... ces 50 dernières années, ce qui fait que maintenant, les gens qu'elles sont censées aimer, c'est-à-dire la figure du père, la figure du mari, leurs enfants, maintenant, elles les haïssent. Elles savent pas pourquoi, parce que si elles devaient réfléchir, elles comprendraient qu'il y a... Mais en fait, on leur inculque ça. Et comment te dire... le problème, c'est qu'il faudrait qu'elles acceptent de revenir à leur fonction élémentaire. Et je crois pas qu'elles le feront de bonne volonté, si tu veux. Parce que c'est toujours une question d'intérêt aussi. Elles comprennent qu'aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, les revendications, enfin l'agressivité féminine est récompensée. Parce qu'en fait, les hommes se laissent faire. En fait, les hommes sont devenus très féminins. Les femmes se sont masculinisées, les hommes se sont féminisés, et les hommes sont passifs et ils se laissent déborder. Et bon, on est dans cette situation-là, mais vu les progrès de la technologie, il peut y avoir un bouleversement anthropologique qui peut rayer ça de la carte. J'ai une question pour vous. Là, je vous pose la question. Est-ce que pour vous, c'est un problème ? Alors, j'en fais pas l'apologie, mais je pose la question. Est-ce que pour vous, c'est un problème pour corriger la natalité blanche au cours de ce siècle, si jamais les moyens étaient disponibles, de recourir à ce moyen de gestation artificielle ? Est-ce que ça vous pose problème ou pas ? Moi, personnellement, oui. Mais moi, je te le dis clairement... tu parlais des possibilités techniques. Je souligne, compte tenu de l'urgence des morales, on a un collapsus considérable. Hein, je veux dire, Oui, mais le gap entre la possibilité de l'utérus artificiel et ce qui est déjà quasiment en cours, c'est-à-dire des humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle qu'on va pouvoir upgrader de façon quasiment linéaire avec ce qu'on appelle le deep learning, il est énorme. En fait, moi je me suis assez intéressé au sujet, l'utérus artificiel, c'est quand même très très très très lointain, parce que il y a, si tu veux, là on rentre dans la biologie, et les scientifiques sont quand même très très très, comment dire, eux pensent que ça va être très très difficile, c'est plutôt une question de siècle, alors que l'intelligence artificielle associé à des humanoïdes, c'est une question d'années. Même pas de... Moi, j'ai du mal à croire. Quand on dit des siècles, moi, je veux dire, quand on a décodé le génome humain, quand on a posé la question aux spécialistes, on leur a dit, ils avaient répondu à peu près ça, il faudra à peu près un siècle pour décoder le génome humain. Vous voyez, ça, c'était à la fin des années 90. Quelques années plus tard, il était décodé. Je me méfie beaucoup de ça, sans dire à l'inverse, c'est pour après-demain. Je suis très méfiant. L'innovation technologique, en plus, elle est exponentielle, quoi. Et quand tu as une innovation dans un domaine, par exemple la médecine, ça va avoir une influence aussi peut-être sur un autre domaine qui est l'informatique. Et en fait, l'un va aider l'autre et inversement. Et c'est vrai que ça peut aller très très vite, quoi. Bon, après, c'est un métier à part. Moi, les futurologues, je m'intéresse beaucoup à ce qu'ils font. C'est très difficile de quantifier quand est-ce que ça va arriver. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que ça va arriver. Ça, c'est sûr. Mais non, parce que les gens doivent comprendre ça, la natalité blanche est en crise, elle perd 30, la population blanche va décroître de 30% par génération, au rythme actuel. À partir du moment où vous faites 1,3 enfants par femme, vous perdez un tiers de votre population par génération. En trois générations, quatre générations, vous allez, la race blanche a disparu, les gens doivent le comprendre. Hein. Je ne sais pas s'ils en ont conscience. Donc, bon, je ne dis pas que c'est une solution, mais la crise de la démographie est considérable. Elle pourrait être atténuée, ceci étant dit, si, enfin, je veux dire, elle ne serait pas aussi grave si on faisait deux choses, c'est-à-dire robotisation à outrance durant ce siècle et interdiction pour les races halogènes de pénétrer en Europe. Donc à partir de ce moment-là, on pourrait accompagner la réduction de la population par une robotisation dans les usines et partout, dans les services, etc. Et par ailleurs, on n'aurait pas la promiscuité raciale qui entraînerait tous les problèmes qu'on connaît, les problèmes sécuritaires, pour pas parler de la dégradation de l'environnement immédiat. Bon là, on a fait un tour par une cité universitaire, pas besoin d'en dire plus. Donc ça pourrait se voir, mais c'est pas le chemin qu'on prend. C'est-à-dire que la robotisation de masse, moi je la vois pas. Pas à l'heure actuelle, peut-être que ça viendra, peut-être que je suis mal informé, mais je la vois pas, en tout cas en Europe. Et l'immigration, bah, là je la vois par contre. Ah, je vais dire donc, ce que j'en pense, c'est que... Enfin, posez-vous la question, les auditeurs aussi, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux mourir en ayant défendu des grands principes, ou est-ce qu'il vaut mieux être en vie et avoir, je ne vais pas dire transigé, mais avoir été pragmatique? Voilà. C'est-à-dire que si la survie de la race blanche doit passer par des moyens techniques pour pallier au déficit biologique, écoutez, je pense que la fin, pour ce cas-là, justifie les moyens. D'accord. Après tout, on parle de survie, c'est-à-dire que quand on parle de choses qui sont moins importantes, je veux dire, si, je sais pas, si, je vais pas prendre d'exemple à la con, mais quand on parle de choses qui sont moins graves, on peut tenir, on peut avoir des grands discours, on peut se dire oui, mais machin, c'est pas bien, ou alors si, ça, ça, oui, d'accord, ok. Mais quand c'est la survie de tout un groupe là, qui est en jeu, de plusieurs centaines de millions de personnes, est-ce qu'on fait de la masturbation intellectuelle ou est-ce qu'on est terre à terre, quoi? C'est ça la question. Bon, j'évoquerai quand même un petit peu juste pour que ce soit rappelé, comment dirais-je, le fait que Heinrich Himmler a lancer peut-être les bases de cette idée avec ses Lebensborn SS. Hein. Oui, tout à fait, mais il n'est pas le premier. Non, je n'ai pas dit qu'il était le premier, mais disons que ça, cette idée a existé. Alors pour le coup, c'était 100% naturel, hein, c'était uniquement des femmes et des hommes en bonne santé et consentants, mais l'idée de... En fait, d'isoler en fait le. Alors bon, c'est contre la famille. Enfin, c'est contre la famille. Si on veut, ça se passe en dehors de la famille, mais c'est pour cultiver en fait une natalité. Alors, c'était peut-être une mauvaise idée à l'époque, parce que finalement, les familles allemandes, il y en avait quand même beaucoup. Il y avait une bonne natalité, donc c'était peut-être une idée qui était un petit peu originale, un petit peu voilà. Mais là, on est dans une situation très différente, puisque là, on parle vraiment d'un collapsus démographique. Hein, donc, c'est quand même très différent. Mmh. Donc bon. Après, il y a autre chose aussi. Attends, excuse, je te laisse finir. Mais... Non, mais même quand tu regardes les Suédois, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais il me semble qu'ils avaient stérilisé les nanas qui avaient un quotient intellectuel inférieur à 70 ou 80, et c'était les sociodémocrates. Et là, les Chinois, ils sont carrément partis dans un projet... La génétique. Eugéniste. Ouais, ils sont partis dans l'eugénisme le plus total, quoi. Eugénisme d'État, ouais, là-bas. Ouais. Mm. Ouais. Tu as oui, des points ou des bons points selon ton attitude. En fait, il y a des caméras partout. Tout est relié à tout est fiché. Les impôts, sécurité sociale, etc. Tout est relié. Au final, tu as des points. Est-ce que tu es un bon citoyen ou est-ce que tu es un mauvais citoyen chinois? C'est fort hein, ce qu'ils sont en train de faire. Bah, c'est le fascisme. Le fascisme, mais technologique, quoi, enfin, avec la technologie. Ouais. Mais bon, peut-être qu'eux, ils ont besoin d'une impulsion externe pour canaliser leur masse. Le problème, c'est que, en fait, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un lien évident entre ces deux choses, hein, entre la démographie et l'immigration, évidemment. C'est qu'en fait, les Français, et je veux dire presque les Occidentaux en général, n'ont pas de programme robotique ambitieux. À la place, ils importent de pseudo-robots que sont les nègres. C'est ça l'idée, hein. Je veux dire, ça fait le lien encore même avec la CTU. Les soi-disant étudiants, machin, soi-disant, c'est pour ensuite les placer sur le marché du travail, les faire remplacer les Français qui sont plus disponibles, et c'est censé fonctionner comme ça. Voilà, l'économie est censée fonctionner comme ça, sauf qu'on sait que c'est faux. C'est totalement faux, c'est archi faux. Faut arrêter de. Enfin, nous, on le sait, mais. J'entends mais ça encore beaucoup trop souvent, mais c'est faux. Ouais. Je veux dire, déjà, la réalité, il faut le dire, c'est que plus un pays est industrialisé et robotisé, plus sa part dans l'industrie, enfin, sa part de PIB dans l'industrie est haute, et plus son taux de chômage est faible. Donc, l'idée que la robotisation engendrerait le chômage, c'est peut-être vrai à très très long terme. Mais à court terme et actuellement, c'est exactement le contraire de ce qui se passe. C'est-à-dire que plus on prend du retard sur la robotisation, c'est-à-dire, on va dire, globalement sur l'industrialisation intelligente, parce que la robotisation, c'est un terme qui est quand même. Ça fait 100 ans qu'il y a des robots. Mais plus on prend du retard, plus ce retard, en fait, est difficilement rattrapable, et plus on devient un pays du tiers-monde. Donc c'est faux, je veux dire, les nègres qu'on importe ne remplissent pas les industries, c'est faux. Ça peut être le cas dans les années 60-70, où effectivement dans les usines Renault, on faisait venir du maghrébin à pas cher, qui fermait sa gueule et qui remplissait les syndicats jaunes, et c'est plus du tout le cas. Comme le disait ce fameux prix Nobel dont j'ai oublié le nom, Derrick, ils produisent de l'urée et du CO2. Ils produisent du carbone et de l'urée. Du carbone et de l'urée, voilà. C'est Charles Henry. Non, mais ils sont dans une logique comptable, PIB. C'est-à-dire, on met des nègres, on leur donne des sous, ils consomment. Et les mecs disent, vous avez vu, notre PIB a augmenté. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça. Plus dans une logique de consommation qu'autre chose. C'est ça, bah oui, bah tu fais venir 100 millions de nègres en France, tu dis, bah on a 100 millions de consommateurs, on a un marché énorme. Bah, non mais c'est ça qu'ils font. Et évidemment, bon, c'est pas le chemin que ça prend. Non, alors, mais je veux dire, les nègres sont incapables de travailler correctement avec la technologie actuelle. Moi, je le vois. Livreur, c'est déjà trop pour eux avec les GPS. Donc imagine, si tu leur demandes de venir sur des lignes de machines-outils ultra complexes, les pauvres sont totalement perdus. Certainement, certainement. Le nègre serait-il un virus, MacDav? Bah moi, j'assimile ça à une arme biologique c'est une arme biologique entre les mains des juifs. Moi, les nègres sont des bactéries. Comme ça, mais ils puent. Bon, il y a les maghrébins, c'est pas les oublier, ça. Bref. Non, mais bon, les amis, jouent. Ouais. Non, mais moi, la nature du nègre, si tu veux, qui parasite. Biologiquement l'européen et qui arrive en même temps aussi à paralyser la technologie parce que bon mais il est perdu au milieu, il y a quand même quelque chose de très beau là-dedans, tu vois, dans la nature profonde du nègre. Randolph, je peux rajouter un petit truc quand même? Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Ouais. Tu sais, moi j'ai grandi avec Star Wars, tu vois, j'avoue, je suis un peu geek dans l'âme et j'ai un rêve. C'est que j'aimerais bien voir peut-être un premier pas sur Mars avant que je meure, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés comme moi dans les années 80-90 qui ont un peu le même rêve, et j'ai envie de leur poser une question. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à atteindre ce rêve avec les nègres ou avec l'informatique? Voilà, juste je pose la question. Bah ça dépend quel épisode de Star Wars t'as regardé, visiblement les plus récents... Ah oui, oui, bon. C'est, voilà, on a corrigé un peu le tir, visiblement. Enfin, les producteurs catholiques d'Hollywood ont corrigé le tir. Les producteurs germains, comme dirait Pierre Conesa, des Berg, Islandais. Des Stein, ce sont des Allemands. Hein, c'est ça. Une mise germanique sur l'industrie d'Hollywood. C'est ça. Je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après, les amis. La complainte du progressiste. Autrefois les gens de cour parlaient sans détour, on causait des vraies valeurs à ses électeurs. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Il faut chanter les louanges d'inédites merveilles. Ah Marianne, fais-moi gagner et je te donnerai des lampadaires à capteurs solaires, des espaces verts et des pistes à vélo, des marches pour la terre, des femmes sans ovaires et des quartiers d'hiver et des bars à travelots, des musées chouettes plein de peintures abstraites, des accompagnateurs pour migrants de couleur, des films de gauche, des agences pour l'embauche, l'arabe élevé d'eux, et la France ira mieux. Autrefois il arrivait que l'on se rebelle quand nos maîtres concevaient d'alourdir la gabelle. Maintenant ça file doux, le peuple est exemplaire, les droits de l'homme l'éclairent, de quoi vous plaignez-vous? Ah Marianne, vote pour moi ou je reprends tout ça. Mon ministère de l'action solidaire, mon humanitaire, mes colis pour Beyrouth, ma lutte des classes, mon brassage des races, mes lois contre la chasse, et mon équipe de foot, mes bicyclettes, mes rues sans cigarettes, la semaine de la culture et le tri des ordures. Ah, qu'elle est belle, notre France plurielle, qui d'un commun accord veut confier son sort à France Inter, aux manifs contre Hitler, aux prix littéraires, aux culottes stérilets, aux démocrates, aux patrons sans cravate, aux récits de sourates, aux poètes congolais. Mais nos élites, de temps en temps s'irritent, faudrait marcher plus vite sur le chemin du bonheur. Alors on cède, on élimine les tièdes, et l'on vit comme ça, dans l'ivresse et la joie. Et l'on vit comme ça, dans l'ivresse et la joie. Et l'on vit comme ça, dans l'ivresse et la joie. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode numéro 8. Je vous propose d'enchaîner avec la rubrique numéro 3, où là on va faire un petit peu... c'est l'actualité, donc là on peut pas trop faire l'impasse. On va parler un petit peu de la question juive en France, qui est brûlante. Elle est brûlante, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, parce que les juifs nous le disent, le pouvoir nous le dit, le gouvernement nous le dit, la presse nous le dit, donc non, on ne peut pas faire l'impasse. Alors je vais commencer, parce que ça a vraiment démarré sur les chapeaux de roue la semaine dernière, on enregistre l'émission, on est encore dans la semaine des événements, mais quand vous l'entendrez bien évidemment ça sera mardi, donc c'est la semaine précédente. C'est la profanation en Alsace, alléguée d'un cimetière juif. J'ai bien aimé la réaction de Jean-Marie Le Pen, la presse juive a un petit peu moins apprécié, et la visite de Macron sur place, alors l'acteur studio, enfin c'est la profanation qui a marqué le point de départ un petit peu de cette grande campagne de mobilisation, puisque il faut le dire, on va y revenir, mais était annoncée la semaine précédente, il y a 15 jours, cette manifestation contre l'antisémitisme le mardi en question. Bon. Et on découvre au petit matin, c'est-à-dire le Français allume sa radio, allume sa télévision, et découvre que dans la nuit, très opportunément, un cimetière juif alsacien a été profané, dixit, avec de belles croix gammées bleues et jaunes. Et puis elles sont bien faites, elles sont au cordeau pratiquement, et c'est revendiqué, il y a même un tag sur une tombe, les loups noirs, alors oui, les loups noirs d'Alsace. Alors le problème c'est que c'est mal écrit, puisque l'alsacien est mal éplé, il manque des lettres, etc. Bon, c'est Google Translate, pas facile de traduire aussi, ouais, voilà. Partons là-dessus. Cette profanation, et alors Macron qui se déplace tout de suite, dans quelques heures il arrive sur place. Le voyage était-il peut-être déjà prévu dans l'agenda, je ne sais pas. Quelque chose, oui. Bon, je sais que certains ici avaient prévu la chose. On a vu la manifestation des Juifs arriver. Pour ne pas le nommer, en fait. Voilà, nommons-le, du coup. Nommons-le. Magnav avait dit quoi, précisément, Magnav avait dit, nous aurons droit au Carpentras pour la manif des Juifs de mardi. Nous avons eu droit au Carpentras pour la manif des Juifs de mardi. C'était clair et limpide, effectivement. Le fait qu'il y ait tué des approximations d'orthographe, etc. Des Hébreux venus. Ça a été revendiqué du nom d'autonomistes alsaciens qui, pour le coup, n'ont rien à voir. C'est-à-dire que les loups noirs alsaciens étaient des autonomistes dans les années 70 qui avaient été, persécutés politiquement en raison de l'occupation. Parce que certaines familles auraient eu des sympathies pour, l'Allemagne, dont ils estimaient qu'elle était leur véritable patrie, puisque, comme vous le savez, l'Alsace est une terre germanique culturellement, qui a été l'objet d'intenses luttes entre l'État français et l'État allemand pendant quand même un certain nombre de siècles. Enfin, l'État allemand ou les principautés allemandes, quand on parle de l'époque de l'Ancien Régime. Et donc, des gens avaient mal vécu ça, mais ils avaient des revendications à caractère autonomiste. Donc, ce n'était pas... ça pouvait être lié au nationalisme allemand, mais les revendications étaient des revendications, plus de liberté pour l'Alsace, c'est ça. Il n'y avait pas un contenu raciste ou antisémite marqué, affirmé et revendiqué. Pas du tout. Bon. Donc, en fait, de voir surgir les loups noirs dans cette affaire, c'est bizarre. Pour une profanation. Mais je pense qu'ils ont voulu faire couleur locale et du même coup. Ça aurait pas fait terrible de mettre un truc pour la libération du Pays Basque, quoi. Mais je crois qu'en fait, ils ont voulu faire d'une pierre deux coups pour que ça paraisse vraisemblable. Ils se sont dit, tiens, on va charger du même coup les autonomistes alsaciens et on va pouvoir leur dégueuler dessus. Alors que quiconque connaît la réalité de l'autonomisme alsacien aujourd'hui sait que c'est un courant politique qui n'est pas du tout traversé, si vous voulez, par un sentiment raciste ou même antisémite. Je veux dire, c'est de l'ordre du centre-gauche fédéraliste, quoi. Bon, c'est... Oui, c'est comme la Bretagne, voilà, mais il n'y a pas une espèce de revival du national-socialisme, ça c'est bien. Du coup, ça signe un petit peu le crime, parce que ceux qui connaissent le mouvement alsacien savent que c'est bizarre de faire ce genre d'action au nom, à ce nom-là, quoi. Donc voilà... Moi, je dis, est-ce qu'on vote? Moi, j'ai bien envie de voter. Manipulation, pas manipulation du pouvoir, manipulation juive. Moi, je dis, je vote manipulation juive. Oui, je vote dès demain. Je vote dès demain. Fulbert, manipulation juive? Absolument. Absolument. Magdav, manipulation juive aussi ou... Il est absent, il est tombé dans son Jameson. Hauptmann, manipulation ou pas manipulation? Quel est ton sentiment? Non, mais je suis là, hein. Ah, t'es là, d'accord, tu nous entends. Ouais, mais non, je sais pas pourquoi tu m'entendais pas. Ah, d'accord. Non, mais en fait, ce qui était très intéressant, c'est la chronologie du truc. C'est qu'en fait, c'était trop resserré. Donc, vu que c'était... ça s'est suivi, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu à Finkielkraut samedi, le dimanche, battage médiatique sur cette non-affaire. Le lundi, l'attentat, le mardi, la réunion, et le mercredi, dîner du CRIF, quoi. C'était, c'était oui. la juiverie, mais c'était monumental, quoi. Alors, je ne sais pas si... moi, tu sais, on me dit toujours les Juifs, c'est un peuple supérieur, les Askénazes ont un QI très très au-delà de la norme, ils ont produit des prix Nobel à la tonne. Mais là, je me dis, ils sont vraiment trop cons, quoi. Parce qu'en plein mouvement populaire, associer le pouvoir à la lutte contre l'antisémitisme, c'est quand même pas bien malin. Donc soit ils sont aux abois, soit finalement ils sont beaucoup plus cons qu'ils essaient de nous faire croire. Moi j'opte pour les abois, en ce qui me concerne. D'ailleurs Jean-Marie Le Pen a déclaré que, c'était une manipulation. Hein. Bah, Jean-Marie Le Pen a eu Carpentras le vrai, quoi. Donc lui, il sait de quoi sont capables les Juifs. Donc bon, c'est ça, tout à fait. Il voit un Carpath Trambis Eco Plus, hein, si on peut s'exprimer ainsi. C'est, oui, c'est bon. C'est, voilà, hein, ça sent le yutre, quoi. Hein, ça sent voilà ce contrairement au juif, Jean-Marie Le Pen a le nez fin. Oui, voici ce qu'il déclare, cité par BFM TV, mais dans son journal de bord, interrogé par Marie Derblay, je crois. Hein. C'est ça. Si la France était antisémite, il y aurait eu 300, 400 ou même 1000 cimetières vandalisés. Assure le député européen. La profanation, comme par hasard, a lieu la veille de la manifestation. C'est une bonne opération de com', dit-il. Moi, je suis d'accord avec lui. Bon, et tu cites à raison Carpentras, donc manipulation du pouvoir de cette république judéo-maçonnique. Moi, c'est cousu de fil blanc. Et vous avez vu, hein, enfin, on va y venir de toute façon, parce qu'on va parler de la mobilisation de la manifestation, mais l'opinion ne meurt pas. Hein. Elle ne meurt pas. Moi, j'ai vu les commentaires hein, sur les fils de discussion. Beaucoup de gens sont là. Les gens disent... Oh, ils nous emmerdent, ces juifs. Ils nous emmerdent. Non, non, c'est au-delà de ça. Moi, j'ai vu sur, ça. Sur la profanation, c'est... Sur le sujet spécifique de la profanation, c'est... C'est tout de même très resserré dans le temps. Non, moi, c'est... Non, mais par rapport à leur manif, j'anticipe même pas. Ah, bah, on va y venir. La manif, donc, ça n'a pas plu. Hein. Ça n'a pas plu. Hein. On va y venir. Alors, venons-en. Donc voilà, on découvre là, profanation, blablabla, Macron se rend sur place, il parle au micro, il y a le rabbin, il y a les familles, etc., puis il est là, alors il fait, enfin c'est un piètre acteur, hein, Macron, hein. il pose, il y a les familles là, on a pas, mais non, la République est là pour vous protéger, tu vois, il a l'air d'un con, bon, il fait son numéro, etc., il reprend son avion, et il repart, direction Paris, puisqu'il aura dîné du CRIF, puisque Macron ne participait pas à la manifestation, à la grande manifestation républicaine, comme ils appellent ça, pro-juive en fait, hein, voilà, pour le pouvoir juif qui tient la France, donc manifestation loyaliste, il faut appeler ça comme ça, hein, manifestation loyaliste, hein, en faveur de ceux qui tiennent le pouvoir, et là ça se passait place de la République, mais ça avait vocation à se reproduire, dans toutes les villes de France, en fait. Hein. C'était censé se passer à Brest, à Lyon, Marseille, voilà. C'était censé être... Résultat, alors là, je vous pose la question, je vais commencer avec Derek. Cette manifestation, dont le point central se situait Place de la République voilà. À Paris, cette manifestation était-elle un succès, oui ou non, et pourquoi ? Alors, la place, il y avait du monde sur la place. Alors, il faut expliquer pourquoi il y avait du monde. La place de la République, géographiquement, ça se trouve tout près du quartier du Marais. Et le quartier du Marais, c'est très connu, c'est un repère de Youtres. Hein. Ils sont tous là-bas. Bon, entre les. T'as d'un côté. Juste les PD, c'est un peu compliqué, voilà. Oui. C'est toujours voilà. Un peu la même chose, en fait. Voilà, hein, donc c'est ça. Ils ont leur truc. Donc, bon, bah, écoute, ils ont juste. Ils viennent à pied. Très bien, ils ont rempli leur truc. Et encore, c'était quand même beaucoup les vieux. Hein. C'était que des vieux. C'était absolument. Enfin, oui, la plupart étaient des boomers. Hein, et... Alors, est-ce qu'on peut donner une estimation du nombre de participants officiellement 20 000 officiellement, je dis. Hein. Ouais, officiellement 20 000. Ouais. Ouais, bon. Moi, je dirais aux alentours de 10 000, je dirais. 10, ouais, 15 000 en 15 000. C'est ça, puis en... ça n'a pas, ouais. Ça n'a pas vraiment duré longtemps. Hein. Une fois que tout le monde était rempli, qu'ils ont fait leurs images. Bon, les gens sont barrés, quoi. Et bon, tu avais les juifs d'un côté, tu avais les espèces de boomers à la con de l'autre. Bon, ouais. Ils sont toujours là parce qu'ils n'ont rien à oui, foutre. Oui, il y a eu des boomers. Hein. Oui, il y a eu ce phénomène-là, faut en parler d'ailleurs. Tu comprends, on leur paye des retraites à ces gens. Il faut bien qu'ils s'occupent. Hein. Ils ne savent pas quoi faire de leur temps. Donc, ils vont lutter contre le fascisme. Voilà, ils vont donner des leçons au peuple français qui n'est pas assez bienveillant à l'égard des juifs. C'est très intelligent de faire ce genre de. Hein, très intelligent. Qu'est-ce que tu avais d'autre? Ben non, tu avais, oui, tu avais les faisans habituels, quoi. Alors oui, ce que j'ai appelé, tu as les huiles du régime, hein, les Sarkozy, les Hollande et tout. Ouais, les huiles ouais. qui venaient dans la grande flaque d'huile hein, juive cette fois-ci à la place de la République. C'était très huileux tout ça. Il y avait quand même dans cette séquence, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là, c'est, vous savez, quand l'armée américaine est rentrée dans Bagdad, ils ont rassemblé autour de la statue de Saddam Hussein quelques figurants, quelques arabes qu'ils avaient payés pour mimer la joie. Vous voyez. Il y avait un côté chute de Bagdad dans le truc. Hein, je veux dire, officiellement, il y a un Carpentras qui s'est passé dans la même journée. Il y avait une manifestation qui était prévue. Il y a eu un matraquage toute la semaine précédente. Il y a eu l'affaire Finkielkraut, le point d'orgue, mais avant, la croix gammée sur la gueule de Veille, etc. On ne va pas tous les citer. Je veux dire, ils ont tout fait, quoi. Et mardi, ça débouche sur ça. C'est-à-dire le point d'orgue de tout ça avant le dîner du CRIF pour préparer. 15 000 youpins. Voilà, 15 000 youpins. Voilà, oui, 15 000 youpins. Et puis leurs compagnons de route, quoi. Voilà, 10 000 youpins et 5 000 boomers, quoi. Ça chie pas bien loin tout ça. Alors bon, ça fait des images ça, à la télé. Enfin, les échos que j'ai eu de gens que je sais ne pas être forcément des antisémites carabinés comme je peux l'être, les gens on se dit putain, mais ces sales juifs nous emmerdent. Hein. Là, ça commence à bien me faire. Overdose. Bon, les juifs ne comprennent pas. Ils vont continuer parce que les juifs sont comme ça. Hein. Alors non, les juifs ne vont pas continuer. Ils vont en faire le double. Oui, c'est ce que j'entends par continuation. Effectivement, il faut expliquer à nos auditeurs quand les juifs continuent, oui, ils continuent de manière exponentielle. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça. Et je crois que c'est madame qui disait que ces juifs ne sont pas intelligents. Oui, les juifs sont très cons. Hein. C'est l'évidence. Hein. Je vous propose d'écouter la réaction de Serge Klarsfeld, autorité morale s'il en est sur la communauté juive, puisque c'est lui un des principaux, épiciers de la rente de la religion de l'Holocauste en France, hein, qui s'est très longtemps enorgueilli de traquer les nazis. Les temps changent. Lui-même l'a dit, hein, je veux dire, en parlant à El Kabash, hein, cette momie égyptienne qui parle toujours, je sais pas, mais je sais pas comment ils font, je sais pas, il y a des anges, je sais pas comment ça marche. La sorcellerie juive. Oui, voilà, c'est ça. Et alors il l'interroge et bon, Serge Klarsfeld dit le mot et il a pas essayé de faire semblant. Il a dit les Français n'étaient pas là, il n'y avait que des têtes connues, il n'y avait que les Juifs. Alors on l'écoute et on se retrouve. Est-ce que la France a été plutôt digne hier de ce qu'elle a de meilleur en elle? Elle a été plutôt dit. Plutôt parce que la masse n'était pas là, la foule n'était pas là, l'ensemble des Français n'était pas là. Il y a eu des manifestations, mais j'y étais avec toute ma famille et j'ai vu beaucoup de têtes connues. Il n'y avait pas la foule qui ne vient pas et qui est indignée et qui devrait venir. Ouais. Mais en même temps, c'était une soirée à Paris, à Marseille, à La Rochelle, à Chambéry, à Lille, un peu partout dans la France. Oui, mais je me suis renseigné. À Lyon, il y avait 1500 à 2000 personnes. Ce n'est pas beaucoup pour une grande métropole comme Lyon. La foule était absente. Ceux qui n'étaient pas juifs étaient en général absents. Bon, on l'a entendu. Café, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, en fait, Derek dit que les juifs sont stupides. Non, les juifs sont... beaucoup trop, ils sont aux abois, mais surtout ils sont trop confiants en eux-mêmes et dans la puissance des gens qui les servent. Non, ils sont vraiment idiots. Hein. Non, les juifs sont vraiment stupides. Hein. Les juifs sont authentiquement stupides. Ils sont très stupides. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être vicieux, mais ils sont extrêmement stupides. Et pour quelqu'un qui connaît les juifs, c'est très facile en fait c'est très facile de s'y reconvenir en réalité. Hein. Et ils en font la démonstration. Alors, comment dirais-je? Sur ce, messieurs, sur ce, donc la chute de Bagdad foirée, bon voilà, avec les fausses scènes de liesse, survient le fameux dîner du CRIF. Alors, une vidéo est parue, bon, comme vous savez, par définition, notre émission est exclusivement en audio, donc c'est bien dommage, on ne peut pas communiquer ces images à nos auditeurs, mais ils peuvent la retrouver sur le site, et de toute façon sur les réseaux sociaux, on l'a vu tourner ici ou là. C'est la mise en scène du discours de Macron. Alors, on va venir dans le contenu, hein, avec les propositions, ouais, etc. Mais quand Khalifa, le bien nommé, président du CRIF, conseil représentatif des institutions juives de France, en fait, s'empare à la tribune de la main de Macron, qui pratiquement ne veut pas, hein, je veux dire, ou en tout cas qui subit passivement. C'est-à-dire que Macron a le poing fermé. Il n'est pas lui-même. Pour voir l'expression de son visage, c'est je souffre, que sortez-moi de là. C'est l'impression, ouais. tu, tu, Le golem, il souffre. Le golem de Prague a un bug, tu vois. Il y a une qui va pas. Quoi. Honnêtement, hein, Macron, je ne sais pas à quoi il pense. Je pense que c'est assez... il fait ce qu'il doit faire, mais quand on le voit, il n'est pas lui-même. Alors, je ne sais pas ce qu'il pense, je ne sais pas, mais on voit que c'est... Mais alors surtout, parce que ça, c'est des codes. Les sémites sont très forts là-dedans, sachez-le. Hein. La gestuelle, la main, le toucher chez les sémites, c'est un code qui renvoie au statut social, à la puissance. Est-ce que vous connaissez cette séquence? Ça, c'était après les accords de Camp David, quand il y a officiellement les accords de paix qui sont censés être signés à la Maison-Blanche entre Arafat et Yitzhak Rabin sous la supervision de Bill Clinton. Vous vous rappelez de cette séquence ou quoi? C'est dans les années 90 à peu près. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Peut-être pas. Ça me parle, il voulait pas se serrer la main ou l'un devait avancer. Non, c'est ça, non au moment, c'est au moment de rentrer dans un des bâtiments officiels. Il y a Arafat qui est là, qui attend que Rabin rentre. Rabin attend que Arafat rentre. Et les deux essayent de pousser l'autre dans l'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le monde oriental, chez les sémites, c'est l'hôte qui rentre en premier et c'est le maître de maison qui rentre en dernier. D'accord? Arafat le sait, Rabin le sait. Et le message qui va être envoyé par ces images, c'est celui qui va rentrer en premier, c'est lui qui est en position de soumission, c'est lui qui est accueilli en territoire, enfin chez le maître. D'accord? Ils le savent. Donc il y a des codes. Donc le fait de mettre la main dans le dos, etc., tout ça est connu. Donc ces sémites puants, avec Macron, le goy stupide, qui fait toute leur volonté, ne connaît pas ça. Donc quand Khalifa s'empare de la main, du poignet de Macron, le brandit comme ça, il dit, vous savez, le poing, c'est le pouvoir. Hein. Le poing, par définition, c'est le pouvoir. Donc quand vous brandissez votre poing, c'est un symbole de pouvoir, un symbole de force, un symbole aussi de défi. Mais si quelqu'un s'empare de votre poing et le brandit à votre place, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est moi qui tiens cette main du pouvoir et qui en fait ce que je veux. Et ça résumait tout. Et tout le monde l'a compris, tout le monde l'a perçu comme ça, n'est-ce pas? Et là, ça valait, mais tous les discours antisémites de la Terre. La France est tenue par les Juifs. C'est le tout le monde, vous êtes arabe, athée, agnostique, nègre, blanc, de gauche, de droite, peu importe, c'est le seul message envoyé, c'est le seul qu'il faut retenir, et c'est factuel. C'est universel, c'est-à-dire que même un nègre au fin fond de sa brousse, qui veut, tu montes la vidéo, tu dis bon, là c'est qui le boss entre les deux? Ouais, bah, qui est le patron? Il va te dire tout de suite, hein. Ça va pas être le type qui fait la gueule, qui est, tiens merde j'ai la chiasse, bon, non. Qui a vu la vidéo et qui a envie d'en la commenter brièvement? Ça me fait penser à Sorel qui a fait une analyse là-dessus au moment de la confrontation entre Hollande et Sarkozy pour la présidence de la République. Et pareil, ils étaient allés au CRIF se prosterner et il y avait eu la même gestuelle. Et Sorel avait fait un parallèle avec les combats de boxe, tu sais, le mafieux en fait, c'est le juif, tu vois. Et puis il dit que toi tu te couches au troisième round, etc. Et puis à la fin c'est l'arbitre qui soulève le poing parce qu'il désigne le vainqueur, quoi. C'est à peu près le même délire. Il y avait un côté oui ça rappelle, il y a quelque chose qui rappelle justement un peu les films sur la mafia italienne, ce qui montre en fait que la France est tenue par la pègre juive ou la pieuvre juive, vous appelez ça comme vous voulez, mais enfin il y avait un côté plus, ça reprenait un peu les codes de la pègre parce que ils se font la bise, c'est-à-dire que Macron fait la bise à ce vieux sémite défraîchi de Khalifa avec sa tête de patate séchée là. Et il est là, bon, on voit en fait que c'est le parrain, parce que c'est le représentant de la vraie puissance, quoi, je veux dire, c'est clairement, c'est lui le missi dominici du vrai pouvoir, quoi, et donc Macron est là, il fait la bise, bon, bah voilà, enfin, c'est une scène, c'est voulu, c'est-à-dire que les juifs, la réaction des juifs, ce dîner du CRIF là, en plus de tout le reste, je veux dire, c'est une mise en scène, savamment pensé pour, comment dirais-je, symboliser la suzeraineté de la juiverie sur la France. Tout est pensé pour mettre en scène la soumission de la France. Donc tous ces petits gestes, etc., sont faits pour ça. Et notamment la bise. La bise, qu'est-ce que c'est que ce truc de la bise? Vous imaginez De Gaulle taper une bise à un rabbin, vous? Vous imaginez un truc pareil? Non, je dis De Gaulle, je suis pas gaulliste. Mais c'est juste pour donner un exemple, quoi. Ça serait jamais... Bon, aujourd'hui, il fait la bise, là, comme ça, machin. L'autre lui secoue le poing. Bon, on l'a compris, quoi. Voilà. Donc, nous, ici, on essaye un petit peu de pour ceux qui sont un petit peu réticents sur toutes ces questions, parce qu'on les bombarde de propagande, donc ils ne savent pas trop. On essaye un peu de leur démontrer. Mais là, regardez ces images, parce que franchement, là, pas besoin d'être antisémite pour comprendre ce qui se passe, quoi. Là, voilà. Bah, stricto sensu. Macron est le champion des juifs. Moi, j'ai eu quand même la sensation que Macron n'était pas dupe. Parce que j'ai regardé comme vous les images. Il fait une drôle de gueule. Il serre les dents. Et il le montre qu'il serre les dents. Il entrouvre les lèvres à un moment. Il y a quelque chose de curieux dans son comportement. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. Bah, c'est quand t'as perdu ton âme. Hein. Ça se passe comme ça. Hein. C'est ça des va fois pas être amusant de voir lécher le cul des juifs toute la journée. Non. Oui, bon, son âme à se taper une vieille, bon, aussi. Une espèce de réminiscence comme ça, tu sais, c'est un petit peu comme, voilà, quoi, t'as vendu ton âme au diable, c'est trop tard et tout, t'es rongé et tout, mais, oh, tout d'un coup, je sais pas, parfois, tu vois, espèce de dernier sursaut, tu vois, il est là, oh, il se dit pas, je regrette, tu vois. Mais il y a un truc, c'est curieux, mais il m'y réalise pas, tu vois, et puis il poursuit. Mais tu sens qu'il y a, il y a un bug, comme tu l'as bien dit, quoi. Ouais, le golem de Prague, soudainement, hein, tu vois. C'est, il est redevenu un tas de boue, tu vois, d'un coup. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, sur cette entrefaite, il n'est pas allé au dîner du CRIF simplement pour, se prosterner devant ses maîtres juifs. Il a aussi fait des annonces. Hein. Alors, que nous dit-il ? Là, je cite France Info, donc officiellement la radio d'État française, en réalité la voix de la synagogue. Emmanuel Macron avait promis la plus grande fermeté contre l'antisémitisme. Mercredi 20 février, à l'occasion du dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, le chef de l'État a annoncé une série de mesures fortes pour renforcer la lutte contre les actes anti-juifs. Voici ce qu'il faut retenir du discours du président de la République devant les représentants de la communauté juive. Emmanuel Macron a annoncé que la France allait adopter dans ses textes de référence une définition de l'antisémitisme élargie à l'antisionisme. Je cite « La France, qu'il a endossée en décembre avec ses partenaires européens, mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah, qui intègre l'antisionisme », a-t-il dit. Le président de la République a estimé que l'antisionisme est une forme moderne de l'antisémitisme. Alors, je m'arrête brièvement sur ce point. Donc maintenant, c'est très clair, c'est dit par la voix du président français, enfin ce qui tient lieu de président à la France, l'antisionisme et l'antisémitisme sont une seule et même chose. Qu'est-ce que ça pourrait appeler comme commentaire ? Mais on en a parlé dans l'émission il y a longtemps, ça, que ça allait sortir contre les pro-palestiniens. Ouais. Vous vous souvenez de ce genre de truc ? Oui, on l'a dit souvent, ça y est, on y vient. Enfin, nous l'avions dit, c'est-à-dire c'est la commission Laetitia Avia et Gilles Taïeb, hein, donc la Yakoutou et le Youtre de la LICRA, de mémoire, de la LICRA. Ouais. On dit, bon, ben voilà, il y a ce texte-là, voilà, on a fait passer ça sur les institutions européennes, ça va passer dans le droit français, etc., etc., hein. Macron avait beau dire il y a quelques mois, enfin en tout cas a toujours dit que l'antisionisme, ce n'était pas l'antisémitisme, ben Macron ne décide pas, hein, nous l'avions, enfin les juifs l'ont dit, nous l'avions relevé, nous avions dit que ça allait se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Ce n'est pas la France qui décide, ce sont les juifs. En l'occurrence, les juifs ont parlé via une de leurs entités qui s'appelle l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, hein, donc l'IHRA. Ce n'est pas le petit curé de village qui va définir ce qu'est la religion. Ça vient du sommet. Donc là, c'est comme ça que ça passe et c'est très bien. Bon, donc on peut résumer ça comme ça, en fait, c'est que pour lutter contre l'idée d'un complot sioniste international, Macron interdit, alors précisons-le, après avoir téléphoné à Netanyahou pour lui annoncer la chose, hein, oui. Après en avoir référé à Netanyahou, Premier ministre israélien, il annonce qu'on ne pourra plus parler du sionisme international. Ça me paraît assez cohérent, hein, je veux dire, oui. Voilà. Il n'y a pas de complot sioniste international. Il demande au Premier ministre israélien, enfin, il annonce au Premier ministre israélien que voilà, on n'en parlera plus. Voilà. Donc, bon. Alors, sur cette annonce, parce qu'on en avait parlé avec Corbyn, vous vous rappelez, dans une émission précédente, il y a quand même peut-être 6 mois, où Corbyn avait aussi été passé au shaker, hein, il avait dû aussi. Il avait dû dire tchouva. Oui, j'accepte la définition. Voilà, c'est ça. Bon, il faut quand même revenir brièvement sur le contenu de cette définition, sans la commenter, parce que bon, on l'avait fait à cette occasion-là, c'est pas la peine. Mais juste pour voir, enfin, pour prendre la mesure une nouvelle fois du degré d'escroquerie dont est capable la juiverie, parce que c'est vraiment hallucinant. Alors, je cite, hein. Je cite les points de la définition, ce qui fait de vous un antisémite, selon la définition dont on a parlé officielle, hein, bon, qui est ratifiée par la France et confirmée par la voix de Macron. Appeler, aider ou justifier le meurtre ou le fait de blesser des juifs au nom d'une idéologie radicale ou d'une interprétation extrémiste de la religion. Bon, a priori, c'est pas excessif, dire voilà, on veut pas se faire tuer. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Mais c'est que le début. Faire des allégations mensongères, déshumanisante, diabolisante ou stéréotypée au sujet des juifs ou du pouvoir des juifs, comme entité collective telle que, tout spécialement mais non exclusivement, le mythe d'une conspiration juive mondiale ou des juifs contrôlant les médias, l'économie, les gouvernements ou les autres institutions sociales. Ben là, Radio France. Macron qui en réfère à Netanyahou avant d'annoncer le fait qu'on pourra plus parler de sionisme international parce que ça n'existe pas. Bon, voilà. Accuser les juifs comme peuple d'être responsables d'actes commis par des non-juifs. Est-ce que l'inverse sera autorisé? Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est prévu dans un point qui suit. Hein. Ah, voilà, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, on ne pourra pas accuser les juifs comme peuple d'être responsables d'actes commis par des non-juifs. Éventuellement, on pourra accuser les non-juifs d'actes commis, les non-juifs comme peuple d'actes commis. Par les juifs. Nier ou réduire les moyens, les chambres à gaz, ou l'intentionnalité du génocide du peuple juif par l'Allemagne nationale socialiste et ses soutiens et complices durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc si vous vous intéressez aux questions historiques et que vous ne parvenez pas aux mêmes conclusions que les juifs, ben voilà, vous êtes antisémite. Voilà, c'est réglé. Accuser les juifs comme peuple ou Israël comme État d'inventer ou d'exagérer l'Holocauste. Oh non. Ouais. Bon, les saucisses d'Auschwitz, quand même, c'est du vrai, hein, je veux dire. Vous vous rappelez de ça, hein, les saucisses faites avec de la viande de juif, gazée, et ensuite, oui, consommée ensuite, le savon, les abat-jour, non, ça c'est, bon. C'est... Ouais, moi j'y crois à fond. Hein. Voilà, bah ça, bah, si vous croyez pas, vous êtes antisémite. Voilà. Accuser les citoyens juifs d'être plus loyal envers Israël et aux priorités alléguées des juifs dans le monde que les intérêts de leur propre nation. Ah bah. Mon Dieu. Vous douteriez, vous, de la loyauté de Meir Habib? Ah, je ne doute pas de sa loyauté envers Israël. Pas du tout. Ah bah, tu es antisémite, alors. Alors, donc, en fait, si tu penses, non mais sérieusement, hein, si tu penses que Meir Habib est en fait un député israélien mandaté par Netanyahou pour représenter l'État d'Israël à l'Assemblée nationale, tu es antisémite. C'est la réalité, mais c'est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réalité est antisémite? Jérusalem est la capitale indivisible du peuple juif. Voilà la vue de Jérusalem. Regardez comme elle est belle, cette ville. C'est la capitale éternelle et indivisible du peuple juif et de l'État d'Israël. Et personne, jamais, ne la séparera jamais. Je pose la question. J'en ai bien peur. Alors, nier au peuple juif le droit à l'autodétermination en déclarant que l'existence de l'État d'Israël est une entreprise raciste. Alors, Israël n'est pas du tout un État raciste. Non. Moi, je vous pose la question. L'État d'Israël. Techniquement parlant, et c'est tout à fait avéré, c'est légal, hein, n'importe quel juif sur cette terre peut faire la demande à l'État d'Israël d'immigrer en Israël, d'y recevoir la nationalité et un logement. Mais d'accord. Sur la base de sa filiation ethnique. On est bien d'accord, hein. Bon. Ce qu'ils appellent la loi retour. C'est... Voilà, loi retour. Alors par contre, il y a d'autres gens qui n'ont pas le droit de retourner sur leur terre, ce sont les descendants d'Arabes qui sont partis chassés par l'armée juive en 48. Alors eux, on leur dit, vous ne pouvez pas revenir. Et pourquoi ? Et quelle est la motivation ? Bah, c'est des Arabes. Et quand on dit, mais la loi au retour est un droit fondamental, qu'est-ce que disent les Juifs ? Bah non, si on valide la loi au retour, c'est la fin de l'État juif. Donc c'est bien déterminé ethniquement. Ok ? Bon. Mais si vous dites ça, bah vous êtes antisémite. Ça, c'est la définition officielle dont on parle. Hein. C'est ce qu'a ratifié Macron. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc, le dernier youpin de Roumanie peut aller en Israël demain, s'établir à 3 km d'Arabe sur les champs d'oliviers piqués à des Bédouins à l'époque. Le Bédouin peut pas revenir. Mais si vous dites que ça, c'est une entreprise raciste, raciste au sens strict, c'est pas un qualitatif péjoratif, ce que je veux dire, motivé racialement hein, par la filiation, vous êtes antisémite. Bon, voilà. Ça, c'est ratifié par la France. Appliquer un double standard en demandant de la part d'Israël un comportement qui n'est pas attendu des autres nations. C'est vrai qu'Israël... Oui. C'est-à-dire qu'Israël peut expulser des nègres parce que les nègres, ça pue. Ouais. Mais nous n'avons pas le droit parce que la Shoah. C'est ça. Bah, donc, oui, oui. Enfin bon, ouais, non, c'est, non, non, non, non, c'est pas un double, non, c'est pas un double standard, ah. Ça. Non, non. Ah, non. C'est moral, ça. Ah, oui, oui. Voilà. Donc, pareil, si vous pensez ça, vous êtes antisémite. Utiliser les symboles et les images associées avec l'antisémitisme classique, c'est-à-dire affirmer que les Juifs ont tué Jésus, ou pratiquent des meurtres rituels pour caractériser Israël ou les Israéliens. Écoutez, techniquement parlant, Israël se revendique du peuple juif, on est bien d'accord, fondé quand même, historiquement, je veux dire, c'est pas qu'ils sont pas tous pratiquants, mais c'est quand même fondé sur le rejet du Christ, on est bien d'accord, je veux dire, le maintien de la religion juive après la venue, c'est après l'avoir crucifié, me semble-t-il, non ? Non, mais c'est un complot de l'extrême droite, ça. Ah, c'est les Romains, rappelle-toi. Ah, les Romains, ah, voilà, putain, vous voyez les Goyes, hein. Vous voyez comment ils sont, et voilà. Bon, donc non, les Juifs n'ont pas tué le Christ, c'est les Romains, voilà. Et arrêtez d'associer Israël avec ça, ça n'a rien à voir. Ben, voilà. Tu me permettras un petit point, ça fait écho avec ce qu'on a dit. Ça fait beaucoup d'écho avec beaucoup de parenthèses, effectivement. Oui, non, mais ça fait écho à ce qu'on a dit un petit peu là dans les précédentes émissions sur l'état de l'Église catholique, mais bon. J'aimerais bien savoir quand même quelle est la position de l'Église à ce sujet. Ah bah, la position est Je pense qu'elle doit l'accepter. Hein, tout le monde a tué le Christ, etc. Non, mais on en a parlé. Le pape est allé lécher la tombe de Herzl, le fondateur du sionisme. Non, mais très particulièrement sur cette définition qui devient. C'est le suprémacisme juif. Hein, c'est, non, voilà, c'est le droit canon juif. Hein, c'est... Voilà, c'est ça. Bah oui, je pense qu'ils reconnaissent tout. Hein. Oui, ça se fait. Oui, je pense. Que les autre catholiques se font des questions. Alors, un point de bon sens, là, faire des caricatures comparant la politique israélienne à celle des nazis, je suis d'accord. Point qu'il faut ratifier, effectivement, on ne peut quand même pas comparer l'Allemagne d'Adolf Hitler avec cette verrue sémitique plantée au milieu de la Palestine, on ne peut quand même pas déconner. Hein. Enfin, moi, personnellement, ça me bulle, ça. Hein, moi, quand je vois des croix gammées ou des petites moustaches sur Netanyahou, je vous avoue, à chaque fois, je suis très très mal. Et d'ailleurs, ça fait monter ma haine des Arabes, en plus. Pareil. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Hein. Tenir les Juifs pour collectivement responsables des actions d'Israël. Donc, attendez, je répète, je reformule. Nous sommes bien d'accord. Hein. Israël est un État où tous les Juifs peuvent se rendre au nom de l'autodétermination du peuple juif. Donc tous les Juifs ont vocation à rejoindre l'État d'Israël, au moins en théorie. D'accord. Ceci étant dit, une fois que j'ai précisé, Israël n'a rien à voir avec les Juifs. On est d'accord aussi. Voilà. Donc, quand l'État d'Israël, donc l'État juif, tue des bougnoules là au F-16 à Gaza, je sais pas, avec du phosphore... autant pour moi. Bon, c'est pas vraiment l'État juif, c'est pas vraiment les... C'est comment dire, c'est les fabricants d'avions américains, à la limite. Bon. Ouais, mais le complexe militaire-industriel américain. Voilà, c'est ça, mais juif. Voilà. Par contre, que tous les juifs soutiennent l'État d'Israël, ça oui, parce que l'autodétermination, c'est quand même un droit collectif fondamental, reconnu par l'ONU. C'est même, oui, c'est même pas américain. Sur les Galis, je crois que c'est fabriqué en Europe de l'Est, peut-être par des Tchèques. Donc ce sont, quelque part, c'est l'Union Européenne qui assassine encore des Arabes. C'est quand même malheureux que ces goïs ne cessent de tourmenter ces pauvres peuples-là de Maroc. Et comment dirais-je, ce qu'on a dit là, ce qu'on a détaillé sur un ton un peu sarcastique, c'est ce qu'a ratifié Macron à la tribune du CRIF, avant de se faire agiter la main par Khalifa qui dit « Les gars, il a signé, hein, ok ?» Bon, voilà. Les Français ne savent pas, quand ils disent « dans les médias, c'est ça, hein, il a signé la définition de l'antisémitisme selon... » Évidemment, c'est jamais explicité, le peuple français ne sait pas ce qui a été signé. Il ne le sait pas, ça se passe dans son dos. Là, on vous a décrit ce qui s'est passé, vous avez bien compris que c'est le droit universel de la juiverie à établir sa théocratie impérialiste, non seulement au Moyen-Orient, mais partout, à commencer par la France. Vous avez bien compris ça, c'est le message envoyé, quoi. C'est une soumission intégrale aux Juifs. Au plus haut niveau de l'État, français. C'est pas un délire antisémite, on a tout expliqué. Les médias français ne vont pas le détailler. Alors, désolé d'avoir été un peu précis là-dessus, mais ça, c'était important. Donc j'enchaîne. Il ne s'agit pas... On revient à l'histoire de l'assimilation entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Il ne s'agit pas de modifier le code pénal, encore moins d'empêcher ceux qui le veulent de critiquer la politique israélienne, a précisé le chef de l'État. Il s'agit de préciser et raffermir les pratiques de nos forces de l'ordre, de nos magistrats, de nos enseignants, de leur permettre de mieux lutter contre ceux qui cachent derrière le rejet d'Israël la négation de l'existence même d'Israël, la haine du juif la plus primaire. L'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste a rédigé la définition de l'antisémitisme, blablabla, blablabla. Donc, c'est pas la peine de poursuivre. J'ai détaillé toute l'histoire de la définition, donc c'est pas important. Mais est-ce qu'on peut quand même souligner que là, c'est quand même un point important, cette histoire d'assimilation entre l'antisionisme et l'antisémitisme? Est-ce que ça, on peut y revenir? Là, les gauchistes ils ont pris une énorme claque dans la gueule. Lesquels? L'ultra-gauche. C'est-à-dire ceux qui prétendent, justement, ils disent non, l'antisionisme, c'est pas de l'antisémitisme, parce que voilà, quelque part, Israël, ça n'a rien à voir avec les juifs. Ils reprennent la phrase de l'UJU, oui. En fait. Ils disent non. Bah, ouais. Là, bon. Il va morfler, c'est très bien. Là. Les juifs font notre boulot, hein, c'est pour ça qu'ils sont, vraiment stupides, quoi. Ils font notre boulot. Mais de voir ces gauchistes geindre, se tordre, parce que voilà, ils sont finalement antisémites. Oui, ils vont te chercher le juif tellement juif qui n'est pas qui est contre Israël parce que bon, ça ferait un endroit sur Terre où il n'y ait pas du marron partout pour dire qu'on n'est pas antisémite. Bon ben ouais, mais maintenant dites-le les gars, hein, les juifs nous emmerdent, voilà, c'est tout. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'ils découvrent en fait que l'antisémitisme n'est pas défini universellement. Par des codes objectifs, c'est déterminé par le pouvoir juif. Tous les ennemis du pouvoir juif, identifiés comme tels par lui, sont des antisémites. Donc, oubliez cette histoire de définition objective de l'antisémitisme. La définition d'antisémitisme, c'est la définition que lui donnent les juifs. Donc, vous les goy, vous n'avez pas votre mot à dire. Anti-impérialiste, de gauche, progressiste, prolétariste, c'est aucun intérêt. C'est pas vous qui décidez. Et là, de voir cette gauche antiraciste qui a avalé, je veux dire, la soupe antifasciste, tous les mythes sur la Seconde Guerre mondiale, à commencer par la religion de l'Holocauste, de voir ces gens se faire botter le cul par les youtres et se faire cracher à la face en se faisant traiter d'antisémite, je trouve ça magnifique. Quel plaisir! Mais quel plaisir! Oh là là, c'est splendide! Si vous voulez rajouter, n'hésitez pas, hein, j'enchaîne sinon. Une proposition de loi contre... Alors voilà, on y vient. Contre la haine sur Internet sera déposée en mai. Voilà, alors ça c'est... Oui, ça suit, hein, il n'y a pas que tout ce qu'on a dit, il y a aussi concrètement pour vous, sale goy qui utilisait Facebook et Twitter, des mesures. sera déposé en mai, assuré Emmanuel Macron. Le texte sera déposé par Laetitia Avia, donc l'Ipoutou, celle qui dévore des taxis là, députée de La République En Marche de Paris. Ce texte reprendra les propositions faites dans un rapport, dont on a abondamment parlé ici, remis en septembre au Premier ministre, qui vise à renforcer la pression sur les plateformes numériques. Cette loi imposera par exemple aux plateformes de retirer les contenus appelant à la haine dans les meilleurs délais et de mettre en œuvre toutes les techniques permettant de repérer l'identité de leurs auteurs et les responsabilisera sur le plan juridique. Emmanuel Macron souhaite ainsi adapter nos sanctions à la société numérique. Le chef de l'État veut pouvoir interdire la présence sur un réseau social de personnes coupables de propos racistes et antisémites, comme on interdit les hooligans dans les stades. Il entend également faire en sorte que les condamnations pour actes racistes et antisémites soient publiées par la justice et dans la presse. En revanche, il s'est prononcé contre l'interdiction générale de l'anonymat sur Internet qui pourrait aller vers le pire. Les condamnations des salopards de racistes et d'antisémites publiées dans la presse. Par contre, Kevin assassiné Laetitia de 30 couteaux à la gorge, astérisque, le prénom a été changé. Oui. Bon, là non, ça va. Hein, c'est tout va bien, vivre ensemble. C'est voilà. Ça. Mmh, ouais, oui. Donc, le privilège marron. Hein. Ouais, le privilège caca, oui. Par contre, il y a une nouveauté là. Alors, je ne sais pas techniquement comment il va essayer de le faire, mais c'est un bannir en fait. Par exemple, vous êtes. Donc, clairement, il va y avoir en fait un gigantesque appareil de censure en temps réel sur les réseaux sociaux. Donc, ça va se renforcer encore plus. Pourtant, Facebook censure à fond, hein, mais ça va se renforcer encore plus. Ce qui va amener à des poursuites parce qu'il va y avoir les plaintes en ligne. Alors ça, c'est magique, les plaintes en ligne. C'est-à-dire que Toufik, s'estimant insulté, va déposer plainte en ligne, tu vois, en disant, voilà, le contenu, machin. Vous imaginez ce que ça va coûter comme blé, un truc comme ça? Je veux dire, ça va être hallucinant. Et donc, la machine va engorger tout le système judiciaire français avec des plaintes à la con. Eh, à la 17e chambre, ça va être la fête, hein. Ça va être rigolo, hein. Moi, je vais porter plainte contre tous les boomers qui posent des commentaires appelant au meurtre des blancs, quoi. Là, mais on va pouvoir faire du business là-dessus. Ah, c'est-à-dire oui que vous allez. Il va falloir saturer l'appareil judiciaire de ça. Hein. C'est ça. Mettez-vous dans la peau d'un homosexuel, allez troller, recevez des insultes et hop, ensuite vous faites des screenshots, vous prenez les dates, ensuite vous allez porter plainte pour saturer la machine. Il va falloir, mais faire chauffer à blanc cette merde. Et les types sont là, donc ça va charmer parce que ça va être les trucs sur l'homophobie, les travelots, les lesbiennes hystériques, les grosses, les handicapés. Donc ça va être la folie, ça va être la folie, ça va être la folie. Vraiment, hein. Bon, les plaintes en ligne couplées à ce truc-là, ça va être génial. Et ensuite, bannir les gens des réseaux sociaux. Alors là, je pose une question, les gars, mais comment ils vont faire ça? Bon, ça existe déjà, hein, plus ou moins. Bannir, si t'as pas compris. Tu peux plus utiliser Facebook. Ouais, bah, demande à Captain. C'est ça, ils veulent généraliser ce principe-là. Bah, Captain, tant que je te tends, et toi, parce que ça t'est arrivé, de voir l'État français, finalement, généraliser ce qui t'arrive, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça formidable, parce que lorsque je dis aux gens que je suis... Persona non grata à vie sur Facebook, les gens ne comprennent pas. Il y en a qui me connaissent, donc ils savent que j'ai les opinions que nous avons ici. Mais ils se disent, non, mais c'est pas possible quand même. On n'en est pas là, quoi. Si, ça fait 2 ans que ça dure. Plus de vie sociale. Une vie sociale digital. Réduite, puisque beaucoup de mes amis, donc, sont là-dessus. Et puis, il y a beaucoup d'amis à l'étranger aussi. Et disons que une personne qui a impacté, c'est pas grand-chose. À 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, un peu plus. Le plus de gens vont être impactés par ce genre de décision, plus le climat va se tendre, plus on va avoir facilité à bousculer le système. On parlait tout à l'heure de dans la partie là, sur les robots et tout. On a parlé rapidement de ce que font les Chinois en termes de centralisation, d'intelligence artificielle. Et de notation des citoyens, si tu veux. Ben là, de censure aussi sur le réseau internet. De censure, oui, c'est-à-dire de droits d'interdictions qui te sont octroyés en fonction de ton nombre de points, quoi. Là, ça va être un petit peu pareil, en fonction de ce que tu as dit ou pas, tu auras des Oui, donc accès qui les seront Juifs vont te noter. Les Juifs vont te noter. Oui, les Juifs vont noter, c'est ça, c'est ça. Ils vont noter les Français. C'est l'intranet, hein. Pour le coup, c'est vraiment l'intranet à la chinoise avec le système de notation qui va avec. Alors, avant de donner la parole à Fulbert, précisons quand même que l'intranet chinois est quand même basé sur un gouvernement qui est chinois, oui. Qui est chinois et qui affirme le caractère national de la Chine. C'est-à-dire que c'est pas un gouvernement qui est activement en train d'essayer de détruire la Chine. Hein. C'est un gouvernement qui essaie de cultiver la puissance de la Chine. Bah, donc, ça n'est pas Israël, effectivement, qui dicte au Goy ce qu'il doit dire, ne pas dire, penser ou ne pas penser. Mm. C'est différent, oui. Disons que, pour donner une image, ce n'est pas un gouvernement composé de représentants iraniens gouvernant Israël et fliquant le moindre juif en Israël qui dirait des propos anti-perses. Voilà. En gros, c'est pas ce qui se passe. Voilà. Fulbert. Oui, il y a autre chose, moi, auquel je pense, c'est que la République française a toujours servi, après-guerre, à servir de pilote, en quelque sorte, de guide, pour ce qui était de l'établissement de juridiction, oserais-je dire, spéciale, comme par exemple la loi contre l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie, que ce soit aussi le droit à l'avortement, au mariage des pédés et compagnie. Bon, comment les autres gouvernements européens, au sein de l'Union européenne, vont-ils avaler la couleuvre, parce que ils vont voir l'avaler à leur tour. C'est-à-dire, oui, effectivement, la France a annoncé qu'ils voulaient faire ça au niveau européen. Hein. C'est-à-dire que ce type de censure, ils le veulent au niveau européen, et pratiquement, ils sont obligés de le faire au niveau européen, parce que sinon, c'est trop poreux. Hein. Mais de toute façon, les Juifs vont pousser à la charrette pour que les autres pays suivent, en disant, bon, la République française l'a fait, c'est la moindre des choses que vous le fassiez aussi, comme pour ce qui est passé précédemment et que j'ai cité en exemple. Et les gouvernants, maintenant, s'il y a suffisamment de prise de conscience dans les populations belges, hollandaises, allemandes et compagnie, il est un fait que les gouvernants belges, hollandais, allemands vont quand même éprouver une certaine gêne. Et ça, c'est le minimum. Ils vont avoir une certaine difficulté, je pense. Bon, en Belgique, on a l'habitude, c'est toujours fait sous la table, en stoemelings, comme on dit chez nous. C'est toujours fait dans le dos, encore pire qu'en France, dans le dos de la population. Bon, mais les Hollandais, c'est pas tout à fait pareil. Les Allemands, je ne suis pas sûr que ce soit pareil non plus. Donc, je pense qu'il va y avoir de sérieuses difficultés, qu'il y a peut-être pour la première fois des gens plus connus qui vont se dresser en disant « Ah mais non, ça va pas !» Moi, je pense qu'il y a une saturation des esprits qui se fait dans les différents pays et qu'ils risquent de voir une certaine opposition apparaître, je pense. Mais je suis optimiste. Non, mais là c'est manifeste déjà. Hein. Ne serait-ce que les Arabes, on a des Arabes en Europe un petit peu partout. Bon, si tu leur empêches de dire du mal d'Israël, les types deviennent fous. Oui, ils deviennent fous, oui. Là, c'est un truc intéressant au niveau électoral, d'ailleurs, parce que la gauche, elle est coupée en deux là-dessus. C'est-à-dire qu'on a en fait, en gros, le Parti Socialiste et toute cette... La gauche juive, hein, franc-maçonne et juive. Bon, eux, ils vont être à quatre pattes devant Israël pour toujours. Et puis, il y a le phénomène des boomers. C'est-à-dire que cette gauche juive, c'est une gauche de boomers. Ils sont sur le rapport de force... Post 45. La nouvelle gauche populiste qui émerge, composée de bougnoules, d'antisionistes, tout ce genre de trucs, ces mecs-là, clairement, si vous voulez, pour eux, les juifs, ils ont disparu de l'équation. Hein ? Enfin, je veux dire, disons qu'ils sont passés de l'autre côté de l'équation. D'accord ? Ils font partie de la somme à liquider, en fait. D'ailleurs, ça nous ramène à cette histoire de Finkielkraut. Parlons-en un petit peu. C'est-à-dire, parce que là, c'est un peu l'annonce aussi qu'il a faite Macron. C'est-à-dire que, bon, Finkielkraut se fait prendre à partie en sortant de chez lui, machin. Bon, il y a soi-disant des gilets jaunes, soi-disant, parce que bon, voilà, les gilets jaunes, c'est composite, et puis à Paris, c'est des manifestations tout à fait particulières, on a eu l'occasion d'en parler, parce que ça a été récupéré par l'extrême gauche, et là, c'était un blanc, je crois, converti, enfin, Dixit blanc converti à l'islam, majeur, bon, une espèce de déchet racial comme seule la France peut en produire, mais bon, il hurle, ouais, sioniste, etc., machin, bon. Réflexe du système, et de Macron en tête, c'est de dissoudre Blood and Honor Hexagone, Combat 18 et Bastion Social. Donc, un bougnoule anti-sioniste, enfin un blanc converti à l'islam anti-sioniste, bugle un truc contre Finkielkraut, c'est jamais que la énième fois. Réaction du pouvoir, tiens, si on allait dissoudre des organisations nationalistes blanches. Ça, ça montre pas en soi que la France, en plus d'être gouvernée par les juifs, est administrée par des boomers, je sais pas ce que c'est, quoi. Je veux dire, ces types n'ont pas pigé. Ils veulent pas frustrer les Arabes, je suis d'accord, mais il y a aussi le fait qu'ils sont toujours... il faut lutter contre Adolf Hitler, quoi. Je veux dire, on voit que c'est générationnel. Ils n'intègrent pas, ça ne rentre pas. Leur cerveau n'intègre pas le truc. Moi, je vais tempérer ce que tu dis, parce que je connais des gens qui... Bon, pas des boomers à proprement parler, des gens qui ont plutôt dans les 60 ans, mais qui sont issus de cette gauche, la gauche que tu étais en train de décrire, et qui sont férocement antisionistes, voire antisémites. Tu vois, il y en a aussi, hein, dans la gauche non, comme ça. Je suis d'accord. C'est plus l'extrême gauche. Et en revanche, il y a un truc que je trouve... qui est prégnant et qui n'est pas du tout générationnel, c'est tous ces gens qui sont alors à gauche par aveuglement, par idéologie, à droite par volonté d'embourgeoisement, qui considèrent que le danger, c'est l'extrême droite, c'est le Front National. J'ai encore parlé il n'y a pas longtemps à une amie à moi qui ne vote pas, mais qui est quand même de sensibilité bien à gauche. Pour elle, le vrai danger, c'était ça, quoi. Là, tu te dis, d'accord. Okay. Ouais, mais je pense que, alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que l'appareil d'État français est de toute façon tenu par des vieux qui sont dans une culture pavlovienne de l'antifascisme. Bon, je ne vais pas revenir sur le gaullo-communisme, hein, le pacte entre les gaullistes et les communistes en 1944 pour mettre la France en coupe réglée avec l'aide des juifs. Bon, voilà. Mais ça compte. Il y a ensuite le facteur juif. C'est-à-dire que les juifs... Enfin, il y a le facteur Macron, je veux revenir là-dessus. Macron est dans une logique électorale pour les européennes, il a dénoncé les nationalistes comme la menace, donc lui, il veut que sa narration reste en place, donc il faut taper sur l'extrême droite, même si c'est des bougnoules qui font les trucs. Bon, voilà. Donc il faut dire, voilà, en fait, l'antisémitisme en France, c'est l'extrême droite, l'antisémitisme en Europe, c'est l'extrême droite, point barre. Bon. Il efface complètement la composante, l'existence d'un antisionisme, d'une haine anti-juive de la part des Arabes, ou même de la part de l'extrême gauche par l'antisionisme. Bon, il essaye de mettre ça vraiment sous le tapis, il consent, il dit oui, c'est vrai, mais bon, je ne veux pas en faire un argument politique. Contre l'extrême droite, oui. Donc là, on voit les intentions électorales. Mais il y a aussi le fait que les juifs tiennent beaucoup à leur front historique, qui est le front anti-blanc. C'est-à-dire que c'est des gens qui voient que les Arabes veulent les tuer. À la première occasion, quoi. Hein. Je veux dire, il y a eu un certain nombre d'événements hein, depuis une dizaine d'années en France. Hein. Mais ils se disent, oui, mais c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que le vrai enjeu, c'est de continuer à contrôler la classe moyenne blanche qui paye des impôts, qui est le moteur économique de la France, bref, ce qui tient la France. Enfin, ce qui fait fonctionner la France. Et les Juifs, c'est ça qu'ils veulent, le pognon. Donc ils sont prêts à passer par pertes et profits quelques youpins. Voilà, il meurt pour la bonne cause, parce que si on se met à clasher les Arabes, on donne raison à l'extrême droite, si on donne raison à l'extrême droite, tôt ou tard, ils nous tomberont sur le rabble. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si on donne raison, si on valide le sentiment anti-immigration, anti-musulman, anti-arabe, de tôt ou tard, l'extrême droite pourra dire, bah, si on a raison sur les Arabes, on a raison sur les Juifs aussi. Voilà. Donc les Juifs refusent de rentrer là-dedans, ce qui fait que Marine Le Pen continue à se faire cracher dessus, malgré... le fait qu'elle se comporte comme une serpillière de la dernière catégorie, elle continue à se faire cracher dessus, elle a l'air d'aimer ça. Donc ça, c'est le truc. Et puis ensuite, il y a la mauvaise foi, j'allais dire proverbiale, de la gauche. C'est-à-dire que ces gens-là, en plus de tout ce que j'ai dit, des calculs divers et avariés, ces gens-là haïssent les Blancs. Donc il faut tout leur foutre sur le dos Voilà. Même quand t'as un blanc bougnoulisé converti à l'islam, proche de la mouvance islamiste, qui attaque Finkielkraut comme c'est le cas, eux, ils n'ont rien vu, ils voient des skinheads. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la boutique sur le sujet. Si vous voulez rajouter quelque chose, ou développer, pardon. Pas spécialement, d'accord. Sur tout ça, sur cette séquence de pornographie juive, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est un pléonasme, pornographie juive. Ouais, je sais. Non, mais c'est vrai que la semaine a été vraiment très chargée. Hein. Ils ont donné, on en a parlé un petit peu dans le déroulement des événements, hein, des tags bouddhistes sur les boîtes aux lettres. C'est ça. Jusqu'au dîner du Crif avec Khalifa. Se multiplient les tags bouddhistes. Hein. Oui, bah oui, bah écoutez, le Dalai Lama est très populaire en France, il faut le savoir. Oui. Hein. Donc, bon, les juifs, bon, ils ont vu que leur petite chatterie là, à la place de la République, ça n'a pas attiré grand monde. Ils ont pris conscience que c'était un échec politique. Oui, bon, c'est ce que je voulais dire. Mais si j'avais un conseil à leur donner, hein, bon, je sais que les juifs ne sont pas très. Très un conseil, de toute manière, ils n'en font qu'à leur tête. Mais je vais quand même me permettre de leur donner ce conseil-là. Juifs, barrez-vous. Hein, barrez-vous pendant qu'il est encore temps, avant que ce pays devienne un enfer pour vous. Ce ne sera peut-être pas nous qui vous donnerons le plus de fil à retordre, mais il y aura toujours quelqu'un. Hein, ce sera les antisionistes, les arabes, les ci, les là. Les gilets jaunes aussi, tiens, pourquoi pas. Il y aura bien quelques-uns pour venir vous faire chier. Les révisionnistes. Voilà, oui, les révisionnistes. Et puis, il y aura toujours du monde. C'est que si ça en arrive à ce que ce soit nous qui venons vous faire chier. Oui, j'ai quand même l'impression qu'il s'appuie sur une chose, sur une situation particulière. Les juges, je parle, hein. Ils s'appuient sur une situation particulière qui est celle de l'extrême droite pro-juive. J'ai l'impression que quelque part, ils vont regarder de ce côté-là, peut-être même les aider ou leur ouvrir la voie, leur permettre... Ils font déjà. Hein. Oui, d'accord, mais ils le feront encore plus pour s'opposer justement à... Non pas à l'immigration, mais à l'islam qui s'installe en Europe. Ouais, bon, ça marche pas. Enfin, je sais pas, en France, j'ai entreaperçu Damien Rieu essayer de faire un débat avec Médine. Elle le faisait, l'Algérien oui, qui voulait faire. Oui. Il y a quand même du gros malaise, quoi. C'est-à-dire que en arriver à se faire dominer intégralement par un Algérien, c'est ça. En jogging. Un Algérien en jogging. Hein. C'est leur élite. C'est sur ce genre de truc que les Juifs comptent. Damer le pion, avoir leur solution de repli. Bon, c'est pas très solide, hein, tout ça. Hein. C'est pas, non, parce que vous voyez l'aspect français uniquement. Maintenant, regardez un petit peu à l'extérieur. Combien n'y a-t-il pas de partis en Europe occidentale qui sont des partis philo-sionistes? Vous prenez, je sais pas moi, Geert Wilders, là, et j'ai oublié, je crois que c'est PVV, le nom de son parti, en Hollande. Regardez le soi-disant movement lancé, inspiré plutôt par Stephen Bannon et l'avocat belge qui est le président du Parti populaire en Belgique. Modric Amon, qui est un juif, philo-sioniste. Mais je suis sûr que Si vous allez voir en Autriche, en Allemagne et tout ça, vous allez trouver l'équivalent. Bien sûr. J'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, mais que même Sébastien Kurz en Autriche avait fait quelques déclarations assez philosémites. Hein. Ah non, non, c'est pas assez philosémite. Hein. Lui, c'est un serviteur des Juifs. Ah ben voilà. Alors non, mais ce que tu veux, t'as raison, mais en même temps, c'est sans intérêt. Enfin, c'est pas sans intérêt ta remarque, mais c'est l'attitude de ces partis est sans intérêt. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Juifs sont cosmopolites. Ils sont cosmopolites, d'accord. Ils ont un problème avec les musulmans, ils ont un problème avec l'islam militant, disons. Mais en même temps, ils n'ont pas vraiment de problème avec eux, parce qu'ils les utilisent, comme on l'a vu en Syrie, comme on l'a vu en Afrique du Nord, etc. Les Juifs savent utiliser les Arabes quand ils en ont besoin, y compris les plus radicaux. Donc, effectivement, ils sont gênés aux entournures, quand ils sont au coin de leur quartier, etc., qu'ils commencent à les regarder bizarrement, ça les emmerde un petit peu, c'est vrai. Mais en même temps, ils veulent d'abord et avant tout affaiblir la race blanche. Quand tous ces partis populistes-là, les Juifs sont pas dupes. Tous les types qui sont là en train de courtiser Israël, etc., ils le font pourquoi? Par haine de l'immigration musulmane, par haine de cette invasion. Bon, le vieux logiciel cosmopolite juif, il n'est pas dupe. Il n'est pas dupe. Et on voit bien que, malgré tous les efforts de tous ces partis philo-sionistes, comme tu dis, qui essayent de s'attirer, et qui parfois reçoivent des signaux positifs hein, de la part de certains membres de l'établissement israélien, de toute façon, ne reçoivent pas l'aval de la juiverie internationale. C'est clair, ouais. Je veux dire, vous prenez les Soros et compagnie, etc. C'est pas vrai. C'est... Ah, même au plan israélien, enfin, y a eu un cas... Récemment. Oui, voilà. Vas-y, je laisse... Non, dis-le. Non, mais tu as eu un cas. Non, tu as eu le cas du groupe, je crois que c'est le groupe de Visegrad, hein, Pologne, Hongrie, République Tchèque et Slovaquie. Voilà. Qui avait prévu. Un meeting prévu en Israël, voilà. Voilà. Avec Netanyahou, voilà. Voilà, donc réunion, groupe de Visegrad, Israël, donc en Israël, c'est un sommet international, bon, c'était quand même un gros truc. Et, logique interne de la politique israélienne, Netanyahou a nommé un ministre, une espèce de type, qui attend que le messie, le machiar, doit arriver dans 15 jours, hein, voilà. Donc, il a dit, non, on ne transige pas avec ces salgoïs de merde, donc c'est bien gentil, Bibi, tes petits gars, là, mais... Alors, ces sales polonais antisémites de merde, tu vas leur dire d'aller se faire enculer. Bon, ouais. Voilà. Et puis, en gros, c'est ça. Donc, bon. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les Polonais ont dit, bon, si on se fait insulter, on vient ils pas. Ils ont échoué les Juifs, quoi. Ils ont dit, voilà, bon, on vient pas. Et du coup, le sommet n'a pas eu lieu. Donc, le truc est tombé à l'eau, quoi. Le truc est tombé à l'eau. Et alors, dans la foulée... Parce que les Juifs sont des extrémistes, clairement. Oui, des fanatiques, et bien sûr, et on a parlé du racisme juif. Mais en plus de ça, il y a des élections en Israël, et vous avez le centre-gauche, avec des gens comme Katz, qui veulent dégommer Netanyahou, qui sont soutenus par toute la diaspora cosmopolite juive, pas totalement, mais quand même soutenus, qui a dit « Netanyahou pose particulièrement problème », parce qu'il est trop gentil avec cette extrême droite puante d'Europe. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'extrême droite juive. Donc, attendez. L'extrême droite juive me fait chier et la gauche aussi, quoi. Alors, entendons-nous bien. Quand il parle d'extrême droite, il ne parle pas de groupuscules. Il parle de gouvernements comme le gouvernement de Orban, le gouvernement polonais, le gouvernement slovaque. C'est ces gens-là dont il parle. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de se faire envahir par l'islam. D'accord? Et là, vous avez les principaux... opposant Netanyahou, pour des raisons purement électorales, mais ils sont d'accord entre eux, ils disent, c'est sale gueule, raciste, etc. Ils sont comme ça, hein. Ils disent, ah là, mais Netanyahou, quand même, hein, il est un peu trop coulant, etc. Et ils font capoter le meeting, avec le ministère des Affaires étrangères qui a dit, ouais, mais quand même, là, c'est pas acceptable, c'est sale polonais, ça reste quand même une race de goy maudite, quoi. Ils sont comme ça, c'est leur nature, ils ne changeront pas. Donc voilà. Même quand vous avez ces populistes qui essaient là de leur faire les yeux doux, les seuls populistes qui veulent bien considérer avec une certaine attention en Europe seront ceux qui porteront la kippa et qui auront la bite coupée. Voilà, c'est tout. En dehors de ça, ils ne voudront pas en entendre parler. Oui, c'est-à-dire les populistes dont a parlé Fulbert, c'est-à-dire ceux qui se mettent... Gerd Wilders, c'est juif, hein, ceux qui savent. Oui, mais Modric Amen, le belge là, voilà. de Bannon, c'est un juif aussi. C'est-à-dire que c'est l'équivalent du président de la LICRA locale qui se... Voilà. Qui est le Front National belge, quoi. En voilà. Ça, hein. Ouais, c'est... Bon. Et regardez Marine Le Pen, avec tous les efforts qu'elle a déployés, elle est prête, elle a qu'une envie, elle brûle d'envie d'aller à Yad Vashem pour être là. Voilà, je m'excuse de m'appeler Le Pen, mon père est une ordure. Elle veut ça. Elle est, voilà, elle n'aura pas le droit parce que les Juifs raisonnent en termes de race, exactement comme les Arabes, exactement comme les Nègres. Eux réfléchissent en termes de race, comme nous d'ailleurs, hein, comme nous. Mais la Le Pen, elle, c'est comme gauchiste. Comme le monde entier. Comme le monde entier, voilà. Mais dans ces îlots bizarres que sont la Suède, la France et quelques coins, voilà. Quelques coins d'Occident. Voilà. Moi, je dirais que les Juifs raisonnent plus en termes de secte, mais enfin, bon. c'est lié, hein, dans leur cas. Mais donc la Marine Le Pen, elle est là, elle dit moi, je donne tous les gages. Moralement, je suis irréprochable. Regardez comment. Les Gilets jaunes, d'ailleurs, elle ferme sa gueule, vous avez remarqué, hein, elle veut pas servir de relais. Donc, elle donne vraiment tout, elle est là, elle insiste, c'est-à-dire l'antisémitisme, mon Dieu, comment faut-il... Rendez-vous compte, la France aujourd'hui est gouvernée par les Juifs, jetée dans le précipice par ces mêmes Juifs, et Marine Le Pen s'inquiète de l'antisémitisme. On appelle ça la droite nationaliste en France, c'est une blague ou quoi? Bon, et cette salope, après tous les efforts qu'elle a fait de soumission... Qui n'arrête pas de demander à corps et à cri de pouvoir aller en Israël se prosterner, se fait quand même cracher dessus. Et j'ai entendu des réflexions là-dessus, je voulais peut-être qu'on va se séparer là-dessus, j'ai entendu des réflexions en disant « Bah oui, mais c'est quand même pas en crachant sur les Juifs et les homosexuels qu'on va y arriver. » C'est une réflexion qui nous est faite. Oui, alors celui, ce sont... Attendez, moi, je veux simplement dire un truc. Je veux simplement dire un truc. Il y a un parti qui essaye ça, son succès, les Républicains. Ça marche pas. C'est-à-dire que vous courtisez les Juifs sans arrêt, vous êtes pour le mariage des fiottes sans arrêt, vous êtes féministe. Vous validez tout, vous dites, voilà, mais nous, on veut juste réduire un peu l'immigration, un peu plus de sécuritaire, etc. On n'est même pas tellement avec les Gilets jaunes, parce que quand même, ils sont un peu bizarres, voilà, il y a des gens d'extrême-gauche, c'est un peu sale. Donc non, nous, on veut du sécuritaire, etc. Résultat, 12% dans les sondages d'opinion aux européennes. Ok ? Donc, je veux dire, arrêtons, si vous voulez un parti de droite pro-juif, pro-lesbienne, vaginocrate, pro-PD, vous votez les Républicains, vous serez servi, vous ferez 12% aux élections. Voilà. Ça sert à rien. Ces idées-là sont déjà au pouvoir. La seule façon, si vous voulez, de surfer sur ces idées-là, c'est d'en vouloir plus. Pas de bol, ça vous déporte sur la gauche. Donc, non, c'est pas une option. Et Marine Le Pen est mi-figue, mi-raisin dans cette affaire. Et tous ceux autour d'elle, parce qu'elle a tellement de PD autour d'elle de toute façon que voilà, elle est voilà, et non, on n'arrivera jamais à rien avec ça. Mais qu'est-ce qui distingue à l'heure actuelle Marine Le Pen du positionnement des Républicains? Alors peut-être sur l'Europe et l'euro. Ah, elle est plus à gauche. Oui, plus à gauche. Elle veut de l'argent gratuit. Ça la distingue. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas très folichon, quoi. Bon, je veux bien consentir une chose. C'est vrai que Wauquiez a tellement une gueule d'handicapé que ça commence à devenir presque un compliment pour Marine Le Pen. Mais bon, oui. Ça fait court. Je veux dire, excusez-moi, hein, mais vous me racontez tout ce que vous voudrez, hein, mais moi, un parti avec Gilbert Collard, non. Non. C'est physique, hein, moi je suis désolé, hein, moi, je, c'est physique. Bah, un parti avec Madame Briouat, peut-être. Louis Alliot, hein, l'Algérie, je sais pas. Tout ça, non, c'est pas possible. Et Dupont-Aignan, finalement, est presque le seul goy dans l'affaire. Ça, on en arrive là. Enfin, Collard est un Français, mais je veux dire... Dupont-Aignan qui est allé... Non, mais il rampe. Hein, il rampe, qui est allé ramper cette semaine parce que, bon, il y avait eu des trucs Facebook bizarres d'une de ses colistières. Hein, Emmanuel Gave, la fille de Charles Gave, qui est un libéral bon temps, c'est même pas un extrémiste, sa fille encore moins. Oui. Mais, comment dirais-je, elle avait dit qu'elle était favorable en libéral, hein, tenante de la liberté. D'ailleurs, loi qui était en vigueur jusqu'en 1972 en France, hein, conception de la liberté d'expression qui était en vigueur en France jusqu'en 1972. Voilà. avant cette convention de l'ONU pilotée par l'Union soviétique qui a été ensuite ratifiée par la France et appliquée en France, qui a donné la loi Pleven, les lois Guesso, etc. Elle a dit simplement qu'elle voulait que les gens puissent s'exprimer. Bon, voilà, elle a été excommuniée, virée. C'est pas nécessairement notre tasse de thé, mais ça en dit long, voilà, sur le courage personnel de Dupont-Aignan. Voilà, c'est tout ce que ça dit. Voilà, Dupont-Aignan est une grosse merde, voilà. Une merde, une fiotte, il n'a pas de burne, c'est tout quoi. Il a trouvé un créneau, il veut en faire, voilà, quand il sera. Voilà, donc c'est non. Donc plutôt l'action directe, hein, l'action de rue. Alors les gilets jaunes façon Paris, non, mais du blocage, de l'action directe, à voir comment tout ça évolue. De toute façon, de la contestation radicale sur Internet, évidemment, des commentaires, enfin il faut que tout ça bouillonne quoi, voilà, il faut. Faut rester sur cette attitude de contestation alternative, en fait. Pour l'instant, il n'y a pas, si vous voulez, de concrétisation politique, mais il faut rester sur le principe du bouillonnement révolutionnaire alternatif. De parler, de contester, voilà, il faut rester là-dessus. Ces élections européennes auront certainement un impact, c'est indéniable, mais à cause des autres pays. En France, il y aura aussi une conséquence, mais je pense que ce sera par un effondrement politique en fait, du système. En fait. Peut-être pas de Macron, hein, mais de vieilles machines comme les Républicains, de choses comme ça. Quoi. Ouais. Qui veut dire quoi ? Rajouter peut-être quelque chose ou, je sais pas. Non ? Pas spécialement ? On a quand même pas mal parlé de toute cette situation. Ouais, c'était un point d'actualité. Le reste, on les a déjà abordés les semaines. Bah malheureusement, voilà, mais c'est bon. Ouais. Mais voilà, disons que l'actualité est riche. Macron parle de nous, hein, donc voilà. Oui. Donc bon. Oui, il veut lutter contre les sites miroirs. Oui, c'est miroir, c'est un miroir que je connais, c'est le miroir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui gouverne la France, les Juifs. Non, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a au programme il y a un programme politique bientôt, qu'est-ce qui va nous sortir là? On sait que la France a un problème, c'est l'antisémitisme. C'est l'antisémitisme. Par contre, juste un point, c'est quand même fascinant d'avoir vu. D'ailleurs, on voit que Mélenchon sort cette histoire de nazis qui touchent des pensions par le gouvernement allemand, etc., pour essayer de se dédouaner des accusations d'antisémitisme. Enfin, ça en dit tout quoi, sur ce mec. Quoi. C'est pitoyable. Le type a aucune burne. Enfin, je veux dire, il tient ses rentes d'anciens sénateurs, etc., pour continuer à entretenir sa maghrébine, hein, dans son appartement bourgeois. Parce qu'attention, hein. Oh là là, Mélenchon, il vit pas dans un taudis pour prolétaire. Hein. Vous avez qu'à regarder comment ça se passe chez lui. Le type pète dans la soie. Hein. Donc celui-là, il donne des gages. Il s'est précipité place de la République pour lécher les pompes des Youpins. Marine Le Pen ne s'est pas rendue parce que de toute façon, on l'aurait pas laissé rentrer. Mais elle a dit que en fait, oui, Gilbert Collard, rappelez-vous, Gilbert Collard a dit que la loi condamnant l'antisionisme. C'était de la mascarade parce qu'en fait, ça n'allait pas être appliqué, on n'allait pas pouvoir foutre les gens en tôle. Voilà, ça c'est le Front National. C'est-à-dire que Macron n'en fait pas assez pour les Juifs. Ça, c'est la position officielle du Front National. Macron n'en fait pas assez pour les Juifs, contre le peuple français. C'est la politique officielle du Front National. Poubelle, inutile, Marine Le Pen appartient au passé, ça ne sert à rien. Toute l'extrême gauche, le Parti Socialiste, Wauquiez, Wauquiez comme une espèce de... Vous n'avez pas vu, en plus, la tête de gland qu'il a, mais proverbiale aussi, là, arrivant, il faut en faire plus, etc. Voilà, et alors, attention, l'arabin qui s'est exprimé, parce que, place de la République, là, on a fait du Primo Levi, alors attention, hein, tout le cirque habituel, c'est pas un rabbin, c'est Madame le rabbin. Delphine Orweiler, c'est ça ? Oh, non, mais... Le cirque hébraïque qui a pris la tête de la France. Le cirque. Et vous avez qu'à remarquer, le peuple n'est pas là, tous les chefs de parti sont là. D'accord ? Posez-vous la question ensuite, pourquoi il y a un mouvement populiste en France qui conteste radicalement l'autorité en place ? Posez-vous la question. Tous les partis, sans exception aucune, de l'extrême droite à l'extrême gauche, sont à foutre à la poubelle. Tous. Et tous sont tenus par les Juifs. remettre en cause le statu quo actuel en France, c'est remettre en cause le pouvoir juif. Si vous n'êtes pas antisémite, le pouvoir juif se chargera de vous expliquer que vous êtes antisémite. Voilà comment je veux conclure cette émission. Qui veut rajouter quelque chose ? C'est une bonne conclusion. Oh, d'accord. À la semaine prochaine, chers amis.